Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Yeah. Hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. MacQuébec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple. Commentaires et critiques. Vos questions, nos réponses. Et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de Mac Québec. MacQuébec.com. Lundi 4 novembre au soir, il est 8h02 et vous écoutez le podcast Mac Québec. Cette semaine, on teste ensemble Anki Drive. On parle à Jean-Luc Sancartier de l'application RDS Go, distribuée évidemment par RDS. Et on vous informe sur toutes vos nouvelles Apple. C'est parti. Il y a du son dans l'ordinateur de quelqu'un. C'est dans mon ordinateur qu'il y a du son. C'est ça. C'était un intro presque parfait. C'est un intro presque parfait. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Salut, Alexis. Bonsoir. Donc, vous écoutez le podcast Mac Québec, qui est le seul podcast maintenant produit par Mac Québec. Les amateurs de Mac Bonsoir n'existent plus sous sa forme précédente, mais ça va être un segment qui va être intégré au podcast, qui maintenant dure 2 heures. Donc, on a quelqu'un qui nous écoute pendant sa ride de 6 heures. Je pense que c'est Louis Lemieux qui nous écoute pendant sa ride de 6 heures de Gaspésie jusqu'ici. Okay, fait qu'on remplit un tiers, exactement les parts de marché du iPad. Donc, on remplit un tiers de sa ride de podcast de Mac. Donc, on le salue. Salut, Louis. D'ailleurs, on l'a aidé cette semaine un petit peu. Choisir son iPad. Son iPad. Voilà. Les auditeurs peuvent toujours nous soumettre leurs questions et problèmes sur les différents produits Apple en utilisant les moyens habituels, soit via Twitter, en utilisant le hashtag PodMQ sur la plateforme Mac Québec Entraide au www.macquebec-entraide.com ou en nous écrivant au podcast@macquebec.com ou par téléphone au 1-877-561-2357. Et je vous préviens, ça fait bientôt 4 mois depuis le mois de juin qu'on teste à peu près, oui. Puis qu'il n'y a personne qui nous a appelé, donc il est très possible que le feature débarrasse à un moment donné. Fait qu'il faudrait que quelqu'un se décide à nous appeler, mais disons que ce soir il va être utile parce que on a quelqu'un qui au bout du fil à qui on va parler dans quelques minutes. C'est ça. On va simplement je voulais vous dire salut messieurs. Jean-Michel, qui est avec moi, ça va bien, Jean-Michel? Très bien, et toi? Oui, merci. Mm-hmm. Une bonne semaine? Belle semaine. Tu mets de l'argent de côté, t'as acheté un iPad mini? Je suis en grosse prise de décision financière, là, présentement. Là, j'hésite entre l'iPad mini ou la MacBook Pro. Là. Ah oui, oui, c'est, oui. C'est différent. Là, c'est des benchmarks qui sont sortis cette semaine qui sont assez intéressants au niveau du SSD. MacBook. Ouais. Moi, je me suis laissé tenter. Je suis allé me chercher samedi sans attendre rien. Vraiment comme un... Il y en avait-tu beaucoup? Oui. Oui, quand même. Moins. C'était à Laval. Ah, OK. Il y en avait pas mal. Bonjour, Jean-François, ça va bien? Bonsoir. Je ne sais pas si on n'a pas pris la capture à Snow Leopard, non, à Mountain Lion. T'avais on l'a capoté. Encore cette vidéo-là? Oh, ben, on n'a pas le vidéo, on a le son. On a le son, il est quelque part, je ne sais pas trop. Oui, dans le Dropbox. Ouais. Mais là, gratuit Mavericks. Oui. Puis c'est à peu près ça que ça vaut. Moi, j'ai pas de trouble. OK. Moi, j'ai pas de trouble. Tout, tu l'as pas installé. Mais moi, j'ai pas de trouble avec. On l'utilise depuis juin. Oui, c'est ça. Fait que les troubles qu'on a avec, on est comme habitués. On est habitués, c'est ça. On sait que, OK, si je pèse là, ça marchera pas, whatever. Mais non, c'est correct, gratuit. T'avais vu juste. Oui, je suis super content. Il y a toi, puis une autre personne que j'aimerais. C'est vrai? Il y a Jonathan Grenier du Club Mac. Ah oui? Qui n'avait parlé pendant, je me souviens plus trop quel show qu'ils ont fait, que lui aussi il avait dit qu'il était gratuit. OK. Fait que, mais non, c'est... Je le voyais venir parce qu'il n'en avait pas parlé du prix. Il avait vraiment mis ça de côté. Mm. Donc, merci, messieurs, évidemment, d'être là. On était à l'heure, tout était bien. Mm-hmm. Vous avez entendu peut-être au début l'indicatif RZ au web. C'est la première fois qu'on le fait passer. On vous en avait parlé au dernier podcast qu'on faisait partie de cette plateforme-là. Et vous pouvez aller effectivement voir sur rzweb.com. Il y a plein d'excellents podcasts. C'est pas un repository, un annuaire de podcasts. Mm-hmm. C'est une station de podcasts. Donc, il y a une curation qui est faite, ce qui veut dire qu'il y a du monde qui font des choix. Les sujets ne sont pas supposés s'overlapper. Évidemment, bon, c'est des podcasts geeks, donc il y en a beaucoup qui parlent de jeux vidéo, mais ils ont toutes leurs petites saveurs, puis je vous invite à aller les découvrir sur rzweb.com. On tient à remercier nos commanditaires. Il y en a eu quelques-uns qui nous ont aidés pour la diffusion. Et puis, comme ça, ils font un bout de chemin avec nous. Donc, évidemment, ClickPom, le concours ClickPom, ClickPom Pimp mon Mac vient de se terminer. Et la gagnante, elle l'apprend peut-être en nous écoutant, est Suzy Proto. Donc, on n'a pas encore communiqué avec elle, mais on va le faire bientôt. Et je vais te le rappeler. Oui, excellent, avec des alarmes partout qui vont sonner. Je vais aller sur Mac Québec, il va avoir comme des avertissements. Alexis! Suzy Proto, qui vient de gagner un Samsung 840. Ce n'est pas un 840 gigs, c'est le modèle 840 de 250 gigs. Et tout dépendant où est-ce qu'elle se trouve, parce que là, vous m'avez fait la blague, mais... En fait, on avait mentionné que c'était installé dans nos bureaux. Donc, si elle se trouve sur la Côte-Nord, on va lui envoyer le disque dur qu'elle pourra le faire installer par quelqu'un de là-bas. Si elle est dans la région de Montréal, à ce moment-là, on va l'inviter à venir dans les bureaux de ClickPom pour ça. Bon, bien, félicitations encore à Suzy Proto. Oui. Bravo. Très beau prix. Coopucam, notre plus vieux commanditaire qui, en ce moment, offre... ont reçu les iPad Air et offre un rabais de 130 $ sur les iPad Wi-Fi plus LTE. Donc, en fait, on l'avait mentionné, c'est le prix du LTE qui est complètement enlevé. Mmh, donc, vous le payez 519, 619 mmh. ou 719. C'est sur l'iPad 4 Wi-Fi. C'est l'iPad 4 et non l'iPad Air. Exactement. ReptileTech aussi, qui est en campagne de financement pour Centraide. Ils donnent 1 $ par like que Centraide va avoir sur leur page. Donc, nous, quand on fait des concours, c'est soit pour faire gagner des likes à la compagnie ou pour Mac Québec. Mais dans leur cas, à eux, c'est vraiment pour sensibiliser les gens à ce que Centraide fait. Mm-hmm. Donc, c'est 5 000 $. Puis, il y a quelqu'un qui nous posait la question, pourquoi ils font pas juste donner le 5 000 $? Ben, parce que c'est juste de l'argent de donner. Si on est capable de faire spinner le fait que les gens commencent à suivre Centraide sur Facebook, ben c'est plus intéressant. Il y a iRepair Montréal qui sont sauveurs de vie professionnelle à qui on envoie quand même beaucoup de gens. Donc, si vous allez chez iRepair, mentionnez que c'est Mac Québec qui vous envoie. Et il y a 3DI Synthèse qu'on remercie aussi pour le support matériel et l'expertise en matière de vidéos de haute qualité. Tout de suite après cette courte pause, j'aime ça dire ça, on va retrouver Jean-Luc Sancartier pour discuter de l'application RDS Go. Le podcast Mac Québec se poursuit dans un moment. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Mac Québec, le podcast. Bonjour, on est de retour au podcast Mac Québec. On a Jean-Luc qui est en ligne avec nous, Jean-Luc Sancartier. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, bonjour la gang. Hey, ça va bien? Bien, vous en? Oui, merci. Donc Jean-Luc, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Tu travailles directement pour RDS? Exactement. Donc, RDS qui appartient à Bell Media. Oui. Je suis stratège médias sociaux et mobile. OK. Donc, est-ce que c'est toi qui as eu l'idée de cette application-là? Ça s'est fait en équipe? Tu peux nous expliquer un peu? Bien, c'est un projet d'équipe, bien sûr. Ça s'est fait en si on veut, en symbiose avec les autres équipes chez RDS. Mais c'est surtout l'équipe numérique qui a pris en charge tout qui est la stratégie côté produit. Et l'application a été produite et créée par Solutions Média 360, qui est une shop de Montréal. Excellent. Et donc, on peut expliquer un peu ce que c'est RDS Go. En fait, c'est une nouvelle application iOS qui est fournie par vous pour tous les sports ou presque que RDS couvre. Le but visé ou la motivation qui vous a poussé à développer cette application-là, il n'y en avait pas au Québec? NHL Center ne faisait pas la job? Bien, premièrement, on est un réseau francophone. Oui. C'est la première chose. Et on est RDS. Je pense que ça résume bien. Et il n'y avait pas d'application au Québec qui couvrait tous les sports comme nous, on le traite sur le RDS.ca. Parce que RDS Go, c'est un peu... c'est pas un peu, c'est RDS.ca, le même contenu, okay. Mais agrégé d'une autre manière, à la manière mobile. Et qu'on n'avait pas de grosse présence mobile encore. On avait l'application, on l'a toujours, RDS Hockey. Qui est une application disponible à iOS et Android, mais qui traite seulement de hockey. Et RDS, c'est beaucoup plus que juste le hockey. Donc, on a voulu mettre tout de l'avant, le contenu éditorial, nos experts, les vidéos. On a beaucoup, beaucoup de vidéos et tout ce qu'on fait de un peu edgy à côté, là, comme le jeu de l'année, le grand pool, etc. Oui. Si, mettons, la personne a la version de RDS hockey, et est-ce qu'elle va toutes retrouver les mêmes choses dans le RDS Go? Que sur la version de RDS Hockey ou c'est du contenu supplémentaire à RDS Hockey? Ça s'overlap un peu, mais présentement, on a déjà en refonte de RDS Hockey, premièrement. Donc, il va en avoir une nouvelle version dans les prochains mois. Okay. Qui va être un peu plus... oui, c'est bravo pour le scoop. Mm-hmm. Mais c'est l'application RDS Hockey va être beaucoup plus approfondie côté pool, côté statistique. Ça va être très, très, très stat geek, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mm-hmm. Puis RDS Go a un peu plus côté expert, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de vidéos que RDS Hockey, mais RDS Hockey a quelques encore petits edges, là, comme une liste de blessés, les transactions, tout ce qui touche vraiment là, le côté plus pointu du hockey, c'est encore dans RDS. Okay. Comme les analystes le font à RDS. Exactement. OK. Pourquoi cette application-là, ben, de votre côté, c'est un choix stratégique, mais pourquoi elle a été développée sur iOS en premier? Elle n'a pas été développée sur iOS en premier. Elle a été sortie sur iOS en premier. Ah, OK. Leur DS Android va sortir dans quelques jours, vraiment, vraiment quelques jours. OK. Et la simple raison, c'est que, et vous allez aimer ce que je vais dire, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire du QA sur iOS que sur Android. Le nombre de plateformes, le nombre de OS utilisés sur Android est complètement incroyable. Mm-hmm. Mais là, c'est supposé se régler de ce temps-ci chez Google qu'ils viennent de dire. Mm-hmm. Ouais, ouais. Avec KitKat, mais on est loin de là encore. Moi, j'ai hâte à Caramel qui. Ouais, ouais. Ça s'en je pense, après. Une belle commandite cachée. Oui. Mais non. C'est, c'est où s'arrête le téléphone, où commence la tablette, etc. C'est un beau casse-tête Android. Mais c'est prêt, là. Le QA est terminé. C'est va être dans Google Play dans quelques jours. Excellent. Je disais qu'il y avait presque tous les sports. Toi, tu disais que c'était pour couvrir tous les sports. Il y a encore une émission de lutte à RDS le soir, le lundi soir? Assurément qu'il y a encore une émission de lutte. Mais j'ai pas vu. Soir, mais il y a encore une émission de lutte. J'ai pas vu la lutte dans RDS Go. C'est la version 1.0. 1.0. bon, on lance déjà dans quelques jours la 1.1. Okay. Avec quelques nouveaux features. La 1.2 est déjà prévue pour le mois de décembre. Ensuite, 1.3 avec des sports supplémentaires, vers les Olympiques. Ah oui, c'est tout ce qu'on couvre. Exactement. Ça va être disponible dans RDS Go. Donc, tout ce qu'on couvre sur le RDS va être à terme dans RDS Go. Mais c'est sûr qu'on a fait un choix de qu'est-ce qui est plus populaire. Mm-hmm. Et tout ce qu'il y a là présentement, c'est ce qui est plus populaire sur le site web. Puis bon, il y a même le curling. Donc, c'est tout dire. Au niveau design, j'ai cru comprendre que ça s'inspirait un peu de Flipboard ou de Show for You, mm-hmm, au niveau de la vidéo, des trucs comme ça. C'est intéressant. C'est vraiment l'inspiration que vous avez eue ou... Pour l'inspiration, ça sort de beaucoup, beaucoup de choses. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a une application de nouvelles aussi. Mm-hmm. Donc, et on a extrêmement beaucoup de contenu. Donc, c'est sûr qu'on a suivi des modèles qui sont, pour moi, dans le marché, les meilleurs. Si on regarde le USA Today, qui est leur application, autant iPad ou iPhone, qui était incroyable. Je voudrais pas cacher que la presse au Québec fait un excellent travail. Et ensuite, oui, il y a toutes les petites applications, là, que je ne vais pas toutes les nommer, mais il y en a suivi. Si on regarde le dernier qui nous a suivi, c'est IFTTT ou ouais. IFFF, quelque chose comme IFTTT, ça. IFTTT, donc, on l'utilise beaucoup. Exact. Donc, le flow que l'app a, c'est incroyable. C'est un peu basé sur ça. Puis ensuite, ben c'est Metro UX, bien sûr. Pour le, je sais pas si vous avez vu iPad et iPhone. Il y a quand même une grosse différence entre les deux. Ah. iPhone est basé sur beaucoup la rapidité, comment trouver de la nouvelle rapidement. Ok. Et très packagé. Et l'iPad est beaucoup plus entertainment, weekend. Le time spent sur l'iPad est beaucoup plus grand que le iPhone. J'ai trouvé. C'est pas le même modèle. J'ai trouvé une. J'imagine que c'est pas dans l'application, c'est plus dans la livraison. Tout à l'heure, en fait, il y a une des premières. Un des premiers features, c'est pour voir les jeux. Ça met deux joueurs de hockey, un en opposition avec l'autre. Mm-hmm. Puis cette semaine, c'est deux goalers. J'ai jamais pu voir le deuxième goaler. Ça me représentait le film du premier. Oui, ça, c'est l'avantage des WebView. OK. C'est pas natif. C'est une des seules choses pas natives dans l'application. Et on est en train de jouer avec le player vidéo actuellement, donc ça s'en vient pour ça. Excellent. Ben, c'est fonctionnel à 80%. Oui, ben c'est en WebView, donc c'est toujours comme ça de toute façon. L'application est très belle, puis le but c'est de la sortir le plus vite, puis d'après ça de construire là-dessus. Mais dès que tu as quelque chose qui est fonctionnel, tu lances, puis c'est pour ça qu'il y a une version 1.0 puis tout ça là. Exactement. Parce que si je te cacherais pas, si j'avais eu tout le temps du monde, on aurait lancé avec toutes les features possibles. Justement, combien de temps l'application a pris à développer de A à Z? En fait, ça a commencé quand? Il y a peut-être 6 mois, il y a 1 an, où vous travaillez là-dessus depuis plus longtemps que ça? La stratégie et le brief a été commencé, ça fait environ 9 mois. Ensuite, là, il y a le temps de trouver le producteur, la personne qui va la construire. Je dirais que côté développement, je dirais environ 5 mois. 5 mois avec le QA. Donc, et on parle là toujours avec 2 tracks en parallèle, Android, iPad et iPhone. Donc, qui étaient pas des équipes séparées, mais quand même. Donc, les développeurs iOS étaient vraiment travaillant en natif. Et c'était super important pour nous. Et l'application Android qui va sortir est aussi 100% natif. C'est pas un port, c'est rien. C'est parti vraiment de zéro un l'autre. Là. Excellent. Ça fait combien de temps exactement que l'application a été lancée? Un mois à peu près? 17 octobre, exactement. 17 octobre? C'est tout chaud encore. OK. Avez-vous déjà des statistiques de téléchargement? Est-ce que ça va bien? Bien sûr. Ça va très bien. C'est en haut de nos espérances. Excellent. Je vais pas dire le chiffre précis, mais c'est en haut de 50 000. Oh, quand même! Okay. Excellent. Ça sent vraiment beaucoup de publicité, donc. Et c'est une application, je crois, qui était très attendue. Oui, je pense par les geeks de sport. De sport, oui. On peut le dire. Il y a il y a beaucoup de statistiques dans l'application. Ça, je ne suis pas allé voir dans ce module-là précisément. Oui, mais ce que je dirais, c'est que avec la grosseur des écrans, c'est sûr que l'iPad offre beaucoup plus de statistiques. On va plus en profondeur. OK. Mais tout ce qu'on se retrouve dans le Journal de Montréal ou la presse, comme statistiques, est disponible dans l'app. Et on a aussi ajouté un layer que les autres apps n'ont pas habituellement, c'est des fiches de joueurs individuels. OK. Donc, c'était quand même... j'imagine que vous savez qu'il y a beaucoup de stats dans le sport, c'est un peu sans fin. Donc, on a fait des choix, mais sur l'iPad, tout est là. C'est un beau casse-tête, mais tout est là. Excellent. Ouais, est-ce que le monde au Québec, est-ce qu'ils sont encore plus hockey que tous les autres sports disponibles dans l'application? Est-ce que vous avez plus de stats sur la version hockey de RDS Go que, mettons, le golf ou le tennis? Mais là, il y a eu le tennis en fin de semaine. Là. Je dirais qu'on va en profondeur pour le hockey. Okay. Pour le football, tant la LCF, la NFL, la MLS, la MLB pour l'instant. Donc là, on va en profondeur, dans le même type de profondeur de statistiques pour toutes ces ligues-là. Et dans un futur X, on va aller très, très rapidement pour la Ligue majeure du Québec. Okay. Donc dans les deux prochains mois. Ensuite, tout ce qui est disponible sur le RDS, on a à peu près les mêmes stats un peu partout, que ce soit le golf, on va bientôt avoir le UFC, etc. Donc tout va être disponible. Okay. Donc, mais oui, ce qui est utilisé le plus, on est au Québec, on se le cachera pas. C'est le hockey. C'est tout ce qui est hockey, là. Okay. Mm. Donc, une application Android qui s'en vient dans les prochains jours, tu dirais, et en fait, une évolution de ces applications-là en parallèle vers la version 1.2, 1.3 qui s'en vient dans les prochains mois avec l'intégration de nouveaux sports. Là. Donc, oui, et dont le gros feature oui. Qui est annoncé voilà quelques mois, qui est ce qu'on a, l'application s'appelle RDS Go. Le Go, c'est pour la raison, c'est si vous connaissez l'application HBO Go ou TNM Go. Oh, vous allez. Pour regarder. Oui, il y a un beau parallèle à faire là. Ouais. Donc, la raison, c'est qu'on va pouvoir regarder la télévision en direct sur les applications. OK, vous allez diffuser directement à RDS. Pas en, est-ce que ça... tu peux pas nous en parler, j'imagine, trop. Je peux, assurément. Oh, excellent. Okay. Par abonnement ou ça va être comme en ce moment, on peut acheter les matchs, c'est ça? C'est par abonnement. C'est par abonnement, OK. C'est par abonnement. Donc, si les gens qui sont abonnés à la chaîne, oui. Donc vont pouvoir regarder un peu, je ne sais pas si vous connaissez l'application Bell à télé. Oui, celle qui ne marche pas sur mon iPad actuellement. Ah, c'est pas mon équipe, ça, c'est pas mon équipe. C'est bon, c'est bon. Mais tu donneras le nom du gars qui peut appeler. Mais je pense que tu peux écrire à service, à Bell ou non. Okay. Mais sérieusement, c'est que les gens qui sont abonnés à nos chaînes, sur leur câbleau ou sur leur distributeur ou peu importe, vont avoir accès au même contenu, une partie du contenu sur RDS Go, que ce soit iPad, ça. iPhone, Android, en direct. Mm-hmm. Et certaines émissions aussi en catch-up. Okay. Donc, j'imagine que ça va surtout être le contenu qui est produit par RDS, donc les magazines de nouvelles sportives. Non. Tout ce qu'on a les droits mobiles va être disponible. OK. Puis... Donc, exemple, t'es pris dans l'autobus. La partie est commencée depuis 30 secondes. T'es un peu comme moi ou 99% des abonnés d'RDS. Tu paniques parce que tu manques le début. Ben, tu fais simplement dans l'option qui va être là, qui va s'appeler en direct. Simplement aller dans en direct, tu rends ton username, password, tu as ton câbleau. Okay. Et mm-hmm. voilà, tu as du live. Il n'y aura pas moyen de s'abonner qu'à RDS Go, par exemple? Pour l'instant, le modèle d'affaires, c'est pas ça. Okay. Pour la simple raison, c'est nos amis CRTC. Okay. Ah. Il y a des règles qui ne nous permettent pas de faire. Ah, OK. Bon, ben, c'est bon à savoir. On va éviter de poser la question à tous les autres. C'est ça. Donc, c'est le CRTC qui empêche la diffusion directe. Donc, on peut dire un peu... Pas qu'il empêche, mais il y a des règles. OK. C'est comme le NHL Game Center. Je pense que quand la game est ici à Montréal, n'est pas diffusée sur le Game Center de NHL. Tu peux pas la regarder une passion. Tu peux pas la regarder si c'est ça. C'est ça, c'est une affaire de droit. Oui, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Fait que faut que ça soit à l'extérieur pour que ça joue ici. Exactement. Excellent. J'imagine, toi, qui es un gros fan de sport, tu as trouvé ta niche chez RDS. Tu es passé un moment à Musique Plus. Tu es passé par Astral, si je ne me trompe pas. Et là, tu es rendu à RDS depuis peut-être un an et demi? Ça va faire bientôt un an au mois de, je crois, janvier. Donc, ça en vient rapidement. Donc, oui, j'ai un petit background en télé depuis quelques années. Donc, mais oui, j'ai trouvé ma niche comme... tout bon, amateur de hockey. C'est au bureau, il faut regarder des vidéos de hockey puis de tout là. Donc c'est comme parfait. Et j'ai construit l'app que je voulais. Donc c'est comme. Ouais, c'est ça. Toi tu voulais consommer ces données là. Fait que t'as construit l'app que t'aurais voulu avoir. Exactement. Excellent. Ok. Et je suis un fan de Metro UX. Donc c'est en Metro UX. Donc voilà. Mais je vous conseille. Je sais pas si vous avez essayé l'iPad, mais l'iPad est très différent. Et c'est très, très... comment je pourrais dire ça? Très magazine. C'est aérien, oui. C'est très intéressant. Puis c'est beaucoup, beaucoup en vidéo. Là. Tu cherches... j'ai vu Georges Saint-Pierre qui s'entraîne. J'ai vu un paquet de trucs. Là. Je suis allé voir plus dans la section mm-hmm. MMA parce que je cherchais la lutte. Oui, exact. Je pense que la lutte, je pense que c'est dans le combat. Ah, là, OK. Que je m'en collais, là. Je pense. OK, je vais regarder ça. Ben, merci beaucoup, Jean-Luc, d'être venu présenter ton application. Et puis, on se reparle pour les billets dans la loge pour le centre-messe. Seigneur. Parfait. Ben, j'attends votre email qui m'envoie dire quand je dois me présenter pour y aller avec le budget Mac-Québec. J'attends ça. Parfait. Merci, les gars. Salut, merci. Jean-Luc. Merci. Bye. Bye. Salut. Nous voilà de retour. En fait, on va passer. Il y a des petites nouvelles au niveau du site Mac-Québec, dont on aime bien vous entretenir, évidemment. Il y a des petits problèmes avec Mac-Québec Entraide en ce moment. On est en train de travailler là-dessus. Mais continuez à poser des questions, Jean-Michel. Les questions, même si vous ne les voyez pas sur la page d'accueil, les questions sont enregistrées, puis les questions sont gardées en mémoire. Il y a moyen d'aller les chercher. Mais c'est juste qu'on aimerait mieux qu'elles apparaissent en évidence sur la page d'accueil pour que les gens y répondent aussi, là, ceux qui ne savent pas où aller les chercher. Voilà. Et le développement de l'application Mac-Québec va bon train. La première version devrait faire son apparition sur l'App Store d'ici la fin novembre. Si je ne me trompe pas, par contre, la portion podcast ne sera pas dedans. C'est-à-dire que, si je ne me trompe pas, il n'y aura pas de diffusion live pour la première version, mais je ne suis pas certain. Avec vidéo, tu parles, l'audio? Hein? Avec audio. Je sais pas, faut que j'en parle avec... On va regarder ça. C'est sûr que ça va venir, là, si c'est pas dans exactement. La version. Voilà. J'ai une petite nouvelle. Oui. Je vais le faire. J'ai pas fait mon article, mais moi, je vais le faire pour le... Je vais faire ça ici. Mavericks ont sorti... Apple ont sorti Mavericks il y a 2 semaines. Oui. Mm-hmm. Ont ajouté dans la version de Safari 7 la fonction de push notification. Mm-hmm. Ce que vous recevez dans vos téléphones, vous recevez vos messages Facebook, Twitter, tout en fait, ce que... La portion push notification était là, mais là, ils ont rajouté un module qui permet de le faire pour s'abonner à des sites web. Oui, exactement. Et j'ai gossé. Puis tout le monde sait ici que je ne suis pas programmeur. Fait que j'ai réussi à mettre les push notifications sur le site de Mac-Québec. Alors, c'est assez simple à les recevoir. Vous allez sur votre Mac avec Safari. Marche pas avec aucun autre navigateur. Vous allez sur macquebec.com, vous allez avoir, quand la page va être finie de loader, vous allez avoir un petit message qui va vous apparaître. C'est marquant que Mac-Québec souhaite vous envoyer des notifications. Vous acceptez oui ou non. Et par la suite, même si Safari est fermé, vous allez les recevoir quand même. Quand je décide d'en envoyer ou Kim décide d'en envoyer, vous allez les recevoir sur votre desktop. Et quand vous appuyez dessus, dès qu'on met un lien Internet dessus, ça envoie directement sur la page qu'on veut vous montrer. T'as dit que Safari n'avait pas besoin d'être ouvert pour recevoir ça. Donc, quelqu'un qui utilise Chrome, normalement, juste à accéder au site avec Safari une fois, puis il va recevoir les notifications. Ça prend juste une fois. Okay. Une fois avec Safari, et le reste, tu peux utiliser après Firefox, Chrome. Puis si Chrome est ton navigateur par défaut, quand tu cliques sur la notification, est-ce que ça rouvre dans Chrome ou ça rouvre dans Safari? Ça rouvre dans ton navigateur par défaut. OK. Fait que... Je pense, oui, c'est mm-hmm. ça. Sauf moi, parce que... Sauf moi, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je check ça, là, mais je ne sais pas pourquoi tu ne reçois pas, toi. Moi, je ne reçois pas. Je ne peux pas m'abonner. Ça ne m'apparaît pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Mac-Québec pour que ça apparaisse pas. Sinon, messieurs, vous sentez-vous en forme pour gueuler, hurler, taper du poing, faire vos Jean-Luc Mongrain? C'est le moment du coup d'ose. Coup d'ose! On devrait se faire un thème là-dessus. Ça prend un thème pour ça. Oui. C'est ça, tiens. On va demander à Boulevard Brutal de nous sortir de quoi. Je vais juste faire enregistrer sur le coin de chez nous. Ils sont en train de faire des rénovations. Ils ont détruit la rue. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est pour la reconstruire. Ah, c'est les égouts, hein? c'est en briques là-dedans. C'est très beau à voir. Moi, j'en ai pas. On va commencer avec... T'en as aucun? Mais non. Moi, j'en ai pas trouvé. Je suis médicamenté, je sais pas. Ah, c'est bon. Je suis calme. Ben moi, j'ai un coup de dose. J'ai pas de coup de dose. Je sais pas, là. J'ai rien trouvé, mais j'ai un coup de dose. Il y a rien dans la race humaine en ce moment qui te dit qu'on va survivre puis que ça va aller mieux, non? Non. Pis ton coup de dose dans ce cas-là? Les élections de la ville de Montréal. T'aimes pas Coderre? Ça, okay. En partant. Et 38% du taux de participation pour la ville de Montréal, ce qui est extrêmement bas. J'en reviens pas. Le monde chialait pour avoir une commission d'enquête sur les magouilles, de Montréal et qu'il n'y a eu même pas un électeur sur deux a été voté hier. Est-ce que c'est possible que, vu que la commission n'est pas terminée, ils pensent que les magouilleurs ne sont pas tous attrapés, puis tout ça? Puis... Mais pas juste ça. Il y en a qui ont été élus, qui ont été cités à la commission Charbonneau. Ils ont été élus hier en plus. Non, mais ça prend-tu pas des sans-dessins? Je m'excuse, là, mais faut pas, c'est pas fort, là. Tu sais, même pas un électeur sur deux a été voté, là. C'est vrai. T'sais, À Montréal. À Québec, c'est 50 %. Mais ça, c'était pour Régis, qui a eu 75 % des votes. Mais à Montréal, un électeur sur deux... Moi, je veux dire, il y a des pays que le monde meurt pour avoir un droit de vote. Tu sais, c'est rien, là. C'est un crochet sur un papier, là. Le monde meurt dans des pays. Puis si tu l'as, t'es même pas capable de te lever... Dimanche matin, 10 h le matin. Ouais, c'est le dimanche en plus. Oui, c'est ça. Tu sais, allé et c'était ouvert de 10 h à 8 h. Là, je checkais sur Twitter, le monde chiolait. Mais là, c'était un dimanche, je suis en train de faire mes affaires. C'est la même affaire un lundi. Tu travailles le lundi, tu y vas en finissant. Là, t'es un dimanche, ça te prend 5 minutes de ton temps. Puis tu y vas la semaine, tu vas voter en finissant de travailler avec tout le monde qui fait un line-up à attendre finir, pendant une heure. Mais là, moi, je voyais la couverture que Radio-Can a faite. Je l'ai suivi un peu sur Internet. J'ai tout, 6h30 jusqu'à minuit. Il y avait Jean Doré qui était là. Oui, très bon. Il était excellent, justement. Puis, quand ce gars-là était maire de Montréal, il avait l'air de se faire rouler dessus par la ville. Même. Et, tu sais, à ma connaissance, en fait, le dernier maire qui a tenu les rênes de la ville, c'est Jean Drapeau. C'est Jean ça Drapeau. Fait un crise de bout de temps, là. Ouais. Fait que, est-ce que la ville est encore manageable? Est-ce que, tu sais, avec les fusions, défusions, refusions... C'est ça que le monde aime. Je pense que c'est les fusions, défusions. Moi aussi, j'ai un problème là-dessus, là, les fusions des fusions. Je suis pas pour. Là. Dans le temps, j'aurais pas fait ça. Louise Arel, quand elle a sorti ça, les diffusions des fusions, non. J'aurais laissé ça de même. Ça a l'air, c'est quand même compliqué comment ça fonctionne, le moral. Il y a un maire d'arrondissement, un maire, un conseiller. Ouais. Il y a Jésus aux yeux bleus dans le Il y en a, là, quand j'ai été voté sur P9 à côté de chez nous là, hier, là, il y en avait qui avaient jusqu'à 12 personnes à voter pour un même pôle. 12 personnes. Le gars, il dit, il y en a 12. Je sais pas c'était quoi, là. Il y en avait 12. Il y a 12 candidats. Non, il y avait 12 feuilles, le gars, où la personne allait signer. Je sais pas c'était quoi, là. J'ai pas demandé. Mais il me dit qu'il y en a 12 chaque. Je sais pas c'était quoi, là. Mais, OK. Mais il y en avait 12 chaque. Bon. Donc, les élections, toi, c'est le taux de participation qui est encore ridicule. Mais, tu sais, si tu veux te consoler, tu regarderas, il y a bientôt les élections scolaires, sont à peu près à 0,2 %. Oui, ça, je sais, c'est ça, mais ça, c'est une autre affaire. Les élections scolaires, en tout cas, on ne reviendra pas là-dessus. Mais... Jean-Michel, coup de 12? J'ai un coup de 12 qui est en fait comme un mini éditorial qui s'intitule « Les gens qui comparent Target à Zellers ». Ah, OK. Tu as trouvé un autre titre. Oui, c'est ça. J'ai réorienté. Là, c'était un peu trop vaste, là, mon premier titre. Là, mais je suis un fan fini de Target. Le Target est une compagnie qui a mon immunité. Vous ne m'entendrez jamais chialer sur Target. C'est rare. Là, États-Unis... Mais... Et Canada? États-Unis et Canada. Okay, les deux. C'est comme sur le top là, de ma liste là, de compagnies qui ont mon respect. Il n'y en a pas beaucoup des compagnies qui ont mon respect, mais en tout cas. Mm-hmm. On sait, ici au Canada, les Target a racheté les Zellers. Non. C'est ça, la nuance. A racheté le local, a racheté le bail de location des locaux des Zellers. Le seul lien que Target a avec Zellers, c'est ça. Il n'y a aucun lien au niveau de la marchandise, au niveau des employés, au niveau de la stratégie commerciale, loin de là. Absolument aucun lien. Target a sa propre administration, ses propres politiques. Zellers, c'est un magasin cheap, là, un peu au-dessus de Rossi, puis en dessous de Sears, mettons, là, en termes de qualité, de clientèle. Il y avait dans la même catégorie là, que Rossi, le Tic Géant, puis tous ces magasins-là, pas vraiment respectables, qui avaient une grosse... comme idée, là. Tu disais Zellers à quelqu'un, tout ce qu'il pensait, c'est BS, puis petite madame qui va magasiner, là. C'est exactement ça. Target, c'est pas ça. Moi, quand je parle de Target à du monde, puis la première affaire qu'ils me disent, puis c'est juste comme Zellers, ou bien je me suis fait dire cette semaine, les affaires sont placées à la même place que chez Zellers dans le magasin. C'est pas vrai, c'est pas les mêmes affaires, c'est pas la même stratégie, il y a aucun lien entre Target puis Zellers. Va chez Target, puis regarde là, d'une autre manière. Regarde comment les choses sont placées, comment les choses sont vendues, comment les employés agissent. La manière que c'est présenté, c'est vraiment pas Zellers. C'est loin d'être Walmart aussi. Target, c'est Target, c'est présenté de la manière que Target veut présenter ses choses. Moi, j'ai vu des... Ben, ma blonde est allée récemment, puis elle a dit, ben, c'est... Elle trouvait que les prix étaient chers, étaient plus chers. Les prix sont plus chers que chez Target aux États-Unis, parce que c'est pas parce que Target vient des États-Unis que ça va être exactement la même marchandise qu'aux États-Unis, puis que ça va être les mêmes prix. C'est deux pays différents. Ouais. Aller chez Walmart aux États-Unis, puis Walmart au Canada, c'est pas les mêmes prix, c'est pas la même marchandise. On n'entend pas ça, cet argument-là, sur la page Facebook de Walmart. Les gens vont pas dire, oh, j'ai été chez Walmart aux États, puis c'est moins cher. Mais Walmart est autant une compagnie américaine que Target. C'est vrai. C'est pas un argument à avoir. Il y a des règles à l'importation au Canada qui sont différentes aux États-Unis. Il y a des fabricants qui importent pas leurs marchandises. Donc, c'est sûr que ce sera pas la même marchandise, puis ça sera pas les mêmes prix. Ça ne sera jamais. Si c'est comme ça chez Target, mais ça va être comme ça dans tous les autres détaillants au Canada. Excellent. Puis finalement, en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que vous pouvez acheter une carte iTunes à 38 $ si vous avez la carte Red chez Target, quand elle est en spécial à 40 $ pour une carte de 50 $. C'est long à faire venir, cette carte-là? Non, ça prend deux semaines. Ah, deux semaines, OK. Rentrez chez Target, puis regardez le magasin avec un autre regard, avec un simple magasin. Essayez de comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Puis vous allez voir que Target, c'est vraiment pas juste un magasin où ils vendent du stock cheap. Il y a une philosophie derrière ça. Puis la philosophie, elle a sa raison d'être, vraiment. Excellent. Moi, ce que j'ai entendu, en fait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de stock sur les tablettes. Les tablettes avaient l'air vides. C'est ça que le monde... Ça a été long avant de déclencher leur chaîne d'approvisionnement. D'après moi, ils ont manqué leur départ quand ils sont arrivés. Ben, mal évalué. Target l'a avoué là, qu'ils ont échoué un petit peu à ce niveau-là, mais contrairement aux États-Unis, Target aux États-Unis exploite sa propre chaîne d'approvisionnement, mais au Canada, c'est un sous-traitant qui s'occupe de ça. Donc, ça se peut que le sous-traitant n'était pas prêt, mais avec la recherche et le marketing qu'ils ont fait avant le lancement. On nommera pas le nom parce que moi, je sais c'est qui. Si je vais avoir mes pilules demain matin. Bon! C'est bon. Ben, on peut faire un petit retour sur le lancement du iPad Air qui a eu lieu la semaine passée. On a couvert l'événement, c'était le 22 octobre. Ouais. Excellent. Cette journée-là, en fait, on a couvert l'événement. Il y a autour de 600 quelques personnes qui nous ont écoutés sur YouTube. Encore un bon... 400-500 qui nous ont téléchargés. On est bien contents. Merci beaucoup de nous faire confiance pour ces nouvelles-là. Et vous avez fait un show, toi et Bernard Ouellet, en soirée pour l'après-match, l'aftermath de ces annonces-là. Vous aviez un invité. Oui, Benoît Chamontin. Qui est venu... De Geeks&Com. Voilà. Et vous avez fait une excellente analyse. C'était pas mal intéressant. Bel job encore une fois. Donc, on continue cette façon de faire-là parce que au cours de la journée, après les annonces, il y a comme des réponses qui n'ont pas été données. On a le temps de regarder ce qui s'est passé. De toute façon, nous, quand on regarde la conférence, ça vient tellement vite, là, des fois, on en perd, là, même quand on présente. Exactement. On a fait l'analyse comme il faut, je trouve. Je trouvais ça bien. J'ai mieux celle-là que j'ai faite là que la première que j'ai faite avec Bernard Tsun. Vous commencez à apprendre vos marques. Donc, on vous recommande. Les téléchargements sont disponibles depuis la semaine passée pour le podcast du 22 et depuis en fin de semaine, si je ne me trompe pas. Je les ai mis en ligne. Donc, on vous invite à télécharger ça. Le iPad Air est l'appareil iOS le plus puissant fourni par Apple jusqu'à maintenant. C'est ce que des tests qui ont été sortis il y a quelques jours ont donné. Je l'ai checké tantôt quand tu m'as passé ton iPad. J'ai fait Geekbench dessus. Geekbench. Puis, les résultats, c'est assez quelque chose. Hein, c'est de beaucoup, là, la différence. C'est de beaucoup. Je me rappelle plus c'était combien le iPad 4, là, mais lui, il tombe dans les 2300 cucs. Là. Il est vraiment très léger. Je suis rentré au Apple Store, je me suis dit, si le poids est si impressionnant, parce que je suis allé le chercher samedi. Genre, on n'a pas fait la ligne parce que bon, il faisait un temps dégueulasse puis c'était l'Halloween. Puis j'étais en train de travailler sur un serveur qui voulait rien savoir. Donc samedi en fait, je suis allé le chercher au Apple Store de Laval. Je remercie les gens du Apple Store Laval, très gentil. C'était débile. Si vous avez des achats Apple à faire, ils ont tous sorti ce qu'il y avait à faire, sauf le Mac Pro là. Allez l'acheter là parce que si vous rentrez là au mois de décembre. Écoute, je ne sais pas comment ils vont faire. C'était déjà malade. Le magasin était plein. C'était cinglé. C'est quoi, le monde sortait avec des MacBook Pro puis des iPads? Je sais pas, il y avait plein de monde. Il doit y avoir un facteur curiosité aussi après les lancements. Les gens veulent juste aller voir le produit aussi, ouais, parce qu'il y en a beaucoup en démonstration. Il y avait effectivement beaucoup de gens autour des tables. L'iPad mini est toujours pas là. Ouais. La date, on pense que c'est autour du 21 novembre. Mm-hmm. C'est ce que les indicateurs donnent, mais de toute façon, c'est une des journées. On est le 4, fait que c'est pas dans les 4 premières journées de novembre. Et ça va être dans les prochaines... Mais ça a l'air qu'ils n'auront pas beaucoup au lancement du iPad mini Retina. Ça, ça se peut, là, ils en ont beaucoup à construire. Oui, c'est ça, parce que là, ils sont avec Sharp pour la dalle. OK. Et j'ai vu qu'ils se sont retournés vers Samsung pour demander du stock pour... Plus de stock pour l'iPad mini Retina. Déjà? C'est ça. Fait que je sais pas... Bonne chance. Il en restait beaucoup samedi quand je suis allé. Il y avait les piles d'étiquettes. Fait que c'était drôle parce qu'ils m'ont donné mon étiquette puis ils ont dit, ben attends, il y a quelqu'un qui va aller te chercher dehors. Fait que là, j'étais comme en ligne puis j'étais comme... not again. ouais, c'est ça. On est bon, disons, dans les lignes. Ah, mais ils t'ont donné une étiquette. Ils m'ont donné une étiquette comme ils donnent à l'attente. Quand on attend en ligne. Ouais. Ah, ouais. Fait qu'en fait, c'est une manière de contrôler les stocks. Il doit y avoir un groupe d'employés là, qui font juste vendre des iPads. Exactement. Ben, du monde qui l'achetait. J'ai pas remarqué plus qu'il faut. Le gars m'a dit tu sais-tu ce que c'est, tu veux-tu que je t'en parle? J'étais comme non. Non, c'est ça. Tu veux-tu la garantie prolongée? Non. Tu veux-tu un étui? No way. Quoique là, lui, semblerait-il, faudrait plus le protéger. Il est très, très mince. Il est très mince, puis j'ai regardé en arrière, déjà une scratch en arrière. Ça se peut, ouais, mais c'est pas plus grave que ça. L'autre, je le mettais dans l'espèce de cover super dans l'affaire métal, là, moi. Exactement. Mais il y avait encore l'iPad 2 là-bas? Ils ont juste l'iPad 2 ou ils ont encore l'iPad 4? Ils ont plus l'iPad 4. Ça, ils en ont plus. Là. Ils font quoi avec le stock? Ils font quoi avec le stock? Ils l'ont probablement renvoyé pour le vendre sur Internet. Ils continuent à le vendre sur Internet, dans en refer ou peut-être en neuf aussi. Okay. Sinon, ils vont peut-être le redistribuer là, au réseau de revendeurs qui continuent à le liquider, là, eux. Mais au Apple Store, la journée qui est discontinuée par Apple, ils l'ont plus. Ils vendent plus. Mettons à Coop, ils l'ont tué. Comme j'ai dit au début, le gros stock qu'eux autres ont, c'était les Wi-Fi plus cellulaire. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils font un rabais dessus. Il y a d'autres rabais s'il reste de d'autres modèles, mais probablement qu'eux autres, aux quantités qu'ils commandent, ils commandent jour 1 quand le produit sort, puis il écoule jusqu'à l'année prochaine. Okay. Là, parce que pour en recevoir, tu es obligé d'en commander des bonnes quantités. Fait que là, tu as l'iPad 2, tu as l'iPad Air. Voilà. Les deux, tu les as-tu mis dans tes mains, chacun un bord, puis tu vois la différence? Non? Non, mais je me souvenais du poids que l'autre avait. Okay. Puis c'est vrai, il y a vraiment une bonne différence quand tu le prends. C'est une livre? C'est une livre, c'est 464 grammes. C'est une livre et c'est 454 une livre. Fait que... Voilà, c'est autour de ça. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que le iPad mini qui s'en vient avec le Retina, il est plus lourd que le iPad mini première génération. On ne sait pas exactement pourquoi. C'est probablement à cause de la dalle qui est plus massive, mais il gagne quelques grammes. Le premier est à 305 grammes. Si je me souviens bien, l'autre est à 333, donc il est quand même plus lourd. Quand même. Je me suis dit, si l'autre est plus lourd, ben je vais y aller... Puis celui-là, tu le sens vraiment dans tes mains, là, qui est plus léger. Il est vraiment très mince, aussi mince que l'iPad mini de première génération. Mais il est plus fragile. Je l'aime bien. Ben j'ai l'impression, là, il y a des vidéos sur Internet qui ont montré... J'ai pas regardé, ils l'ont laissé tomber, puis effectivement, l'écran se détruit complètement. Mais bon, c'est un produit qu'il faut protéger avec... on le sait, là, on achète des housses jour 1 pour nos différents produits. Les housses sur le iPad 2 ne sont plus vendues dans les magasins. Ils tiennent juste des housses pour le iPad Air. Non. Ils ont remis... ils ont été discontinués par Apple, mais là, ils sont disponibles autant en magasin qu'en ligne. Ben, ils se sont rendus compte que c'était pas vraiment logique, parce que c'est vraiment plus le même format. Là. Non, avant, c'est ça. Quand l'iPad changeait, la housse restait identique, mais ils vendent des smart covers encore. Mais le smart cover, il est le même prix encore, 40 $. Il est 10 $ plus cher que le smart cover pour... Le smart cover pour iPad Air est 10 $ plus cher que le smart cover pour iPad 2. C'est probablement à cause des aimants plus forts. Non, je sais pas. Comme ça, mais le smart cover pour iPad Air n'a plus la tige de métal. C'est vraiment juste un morceau là, de vinyle qui plie. OK. Je suis capable. Moi, travailler avec des pas professionnels de même, là, je veux plus. Ah ouais. D'après ce que j'ai vu là, sur l'Apple Store en ligne, le smart cover pour iPad 2 serait 39 et puis pour iPad Air, 49. Ça revient cher. Quand même. C'est une vente presque assurée qu'ils ont. Oui. Oui, quasiment. Oh, oui, quasiment. Oui, tu sors ben, pas de là. T'as pas vraiment le choix. Là. Moi, je l'ai pas protégé comme un clown, là, mais non, vous devriez au moins, si vous prenez pas la garantie prolongée, prenez une protection pour le pour le iPad. Est-ce qu'il est plus véloce? Non, pas. Ben, moi, je le vois pas vraiment. J'ai des applications qui plantent dessus. C'est ça, je m'en ai demandé. C'est justement la question que je m'en allais te poser. Il plante-tu? Y a-tu des problèmes? Oui, ben je l'ai vu planter une fois, là, tu sais, vraiment Springboard qui lâche complètement, ce qu'on a vu quelques fois sur l'iPhone. Puis j'ai l'impression que c'est plus iOS 7 qui fait ça que d'autres choses. Okay. Là, tu vois, j'ai restauré à partir d'une sauvegarde qui datait de septembre. De septembre. Et j'ai beaucoup d'applications que j'essaie de les ouvrir, ça ne fonctionne pas. Okay. J'essaie d'ouvrir... mais ils fonctionnent sur ton iPhone. Sur mon iPhone. J'essaie d'ouvrir Plants vs. Zombies HD. Il n'a pas voulu, il plante. Je l'ai enlevé, je l'ai retéléchargé. Ça ne veut pas plus. Belle, tout à l'heure, l'application Belle ne fonctionnait pas. Fait que j'ai l'impression que je vais être obligé de le wiper et de réinstaller les applications une à une. De toute façon, j'ai un paquet de cochonneries là-dedans puis des jeux pour les enfants puis tout ça. Là. Fait que, Côté, à part application, non, correct. iOS répond bien. Oui, ça répond bien. J'ai joué avec Flipboard, j'ai lu des bandes dessinées, j'ai acheté le dernier Astérix. Dessus, oui, ben je suis pas rendu bien loin. Ça va faire comme Steve Jobs, ça va te prendre deux ans. Je vais attendre qu'il sorte en audiobook. Puis c'est ça. Mais c'est un super appareil, sauf que ça me fait chier de le tenir à deux mains. Ah! Fait que j'ai pris l'écran plus grand, puis dans ma tête, j'étais là, puis je me conditionnais à non, c'est l'iPad mini qu'il me faut. L'iPad, il est trop grand, puis tout ça. Puis finalement, je me suis laissé aller. J'ai 14 jours pour le ramener, puis je pense que je vais le faire. Même s'il y a un scratch, ils vont te le... Puis... Tu vas le faire? Ben, je pourrais me pogner un Anki Drive. Peut-être. Ouais. D'ailleurs, ça fait un segue en fait pour notre prochaine chronique. Jean-Michel, tu t'es déplacé hier chez un de nos auditeurs, puis en fait, on peut le dire, un collègue, Jonathan Laberge, qui est allé acheter son iPad il y a quelques jours, puis qui a vu ce gros gadget à iPad qu'Apple vend à côté. Ah, ils vendent ça au Apple Store? Oui, ils vendent au Apple Store. Ils vendent uniquement en ligne sur Apple Store, dans les Apple Store canadiens, américains. En ligne, ils n'en ont plus. Fait que si vous voulez un Anki Drive... Apparemment, d'après ce qu'il m'expliquait là, hier, il y en avait 6-7 à peu près à Brossard. Il était le premier à en acheter un. OK. Puis ça fait combien de temps que c'est sorti? Ah, c'est sorti en même temps que l'iPad. Ouais, ça vient de sortir les jours avant. Cette bébelle-là, ils ont ouvert la WWDC avec ça, si je ne me trompe pas. Oui, tout le monde l'a vu à la WWDC. Ouais. Ils ont fait une démonstration sur la scène. Tout le monde se demandait qu'est-ce que ça faisait là. En gros, Anki Drive, ce que c'est un jeu de course de voiture un peu à la Mario Kart, là, avec des pouvoirs spéciaux. Là. Mais au lieu que l'action se passe sur l'écran de l'appareil, l'action se passe sur un espèce de tapis spécial qu'on met sur dans le salon. Un peu comme Hot Wheels, ou bien un peu comme les pistes là, en plastique là, qu'on assemblait, puis il y avait comme des loops là, puis des affaires de même. Là, on jouait avec une petite manette. Il y avait des... non, c'était vraiment une manette avec comme une ça. Que tu pesais juste un bouton pour faire accélérer l'auto. Il y avait des concours à TVA, si je ne me trompe pas, le matin avec... t'écoutais tes bonhommes, puis à un moment donné, ils arrêtaient, puis il y avait des courses de marde de ça, là, de redneck qui avaient construit des pistes dans leur cave. Puis là, ils étaient comme « Ah, m'a déclenché! » Puis les chars, si t'allais trop vite dans une curve, ils sortaient de la piste. Là. Okay. Mais ça avait l'air de... En fait, c'était séparé de la largeur de l'auto. On voit à l'écran une vidéo là, de l'emballage, puis on va voir les autos là, fonctionner un petit peu après. Donc, c'est ça vraiment. L'action se passe là, sur le plancher de votre salon, sur le tapis spécial. C'est des autos qui sont à intelligence artificielle qui appellent. Okay. Donc, on met l'auto sur le circuit. Ce que ça fait, l'auto va se mettre à circuler automatiquement, faire les virages tout seul. Ce qu'on contrôle avec l'iPhone, finalement, c'est la vitesse. OK. Et puis, l'utilisation là, des armes. Là, finalement, on a une mitraillette, puis on a un tractor beam, qui s'appelle. Donc, ça ralentit là, l'autre voiture en face de nous pour dépasser. Présentement, le seul mode de jeu qu'il y a, qui est disponible avec l'application, c'est un mode de jeu, c'est comme une bataille. Donc, on joue jusqu'à temps que d'avoir épuisé là, les vies là, de l'adversaire. OK. Un coup que les vies sont épuisées, la partie est finie. Il y a un mode de jeu en développement, c'est le mode course. On n'a pas plus de détails encore, mais on imagine que ça va être probablement là, un nombre de tours défini avec... Tu peux-tu jouer tout seul ou tu es obligé de jouer avec quelqu'un? C'est possible de jouer tout seul. On peut programmer une des voitures là, pour qu'elle soit... la tienne. La tienne, puis l'autre est contrôlée automatiquement là, par l'ordinateur, là, par l'application. OK. Mmh. Mais comment ça fonctionne sur le tapis? C'est quoi? Comment quand la voiture fonctionne? Tu sais, sur le tapis? On voit dans le tapis là, une espèce de petite texture, là, des petites lignes là, dans le tapis. Puis il y a un genre d'œil magique là, en dessous de la voiture. Donc, ça doit être ça là, que ça détecte. C'est un tapis de souris. Ah. C'est un tapis de souris, puis en fait, il y a un œil magique en dessous qui prend environ 100 images ou plus par seconde. Là, il disait un chiffre complètement astronomique. Mais c'est ça, c'est de la détection. Donc, ils sortent pas du tapis s'ils veulent pas. Là, c'est ça. À moins qu'il y ait une collision, là, la voiture va sortir du tapis. Mais si elle sort pas trop, puis est capable de détecter à quel endroit elle se trouve, elle va retourner sur le tapis d'elle-même, puis elle va recommencer là, à tourner. À poursuivre l'autre. C'est ça. Tu me disais, en fait, on le voit dans le colis, on va le revoir passer. Dans l'espèce de package qu'ils te donnent, il y a des encaveurs pour mettre les autos. On va le voir dans quelques secondes. Et c'est l'endroit pour le recharger. L'endroit pour le recharger, ça s'enlève là, du paquet. Okay, on les a remis dans le paquet là, pour faire voir de quoi ça a l'air quand on rouvre. Ça se branche dans le mur là, avec un adapteur qui est fourni. Et puis, c'est ça, là. C'est cette affaire-là? Les deux boîtes noires là, qu'il y a dans l'emballage. Okay. Pour recharger, les voitures ont une autonomie de 20 minutes de jeu. Okay. Donc 20 minutes en mouvement, et puis ça prend 8 minutes pour les recharger. C'est quand même pas trop long. T'as le temps d'aller aux toilettes. Recharger quelque chose à boire. Puis... Tu peux recommencer. T'as joué avec Jonathan hier. C'est-tu le fun? C'est le fun, ça prend. Il y a quand même une stratégie à avoir. Là. Lui, il l'avait déjà essayé avant, puis il était habitué. Puis il y a aussi une progression qu'on peut avoir. Donc, quand on joue en mode solo, c'est vraiment comme une carrière, puis c'est possible de. Améliorer l'auto, faire des upgrades, upgrader la vitesse, l'agilité, les armes. Aussi, on peut acheter des nouvelles armes. Okay. Il n'y a aucun in-app purchase. C'est vraiment juste des choses qu'on débloque plus on progresse dans la carrière. Okay, il y a aussi différents niveaux de difficulté là, avec quand tu joues contre l'ordinateur, là, finalement, là, la voiture contre qui tu joues va esquiver plus ou bien... Pendant la présentation, il y avait un effet sonore très, très cool, mais tu m'as dit qu'il n'était pas là. Moi, j'ai pas entendu. Il y a des effets sonores. Là, on va entendre là, comme un bruit là, de mitraillette ou bien un bruit là, de... Ça sort de téléphone, téléphone vibre. C'est ça, il y a de la vibration là, dans le téléphone, mais j'ai pas vu d'autres effets sonores. Là. OK. Avec le téléphone... Le son sort de ton téléphone? Le son sort du téléphone, fait que là, t'envoies le son... Dans ton Apple TV, qui sort AirPlay, dans ton cinéma maison ou whatever, ça doit être quand même cool, là, tu sais, je veux dire. On peut contrôler aussi la vitesse avec le téléphone, la vitesse de la voiture. Ou tu la mets dans le fond tout le temps? Tu peux la mettre dans le fond, mais tu ralentis comme pour essayer que l'autre te dépasse pour pouvoir le tirer, là, finalement. Ah, c'est ça que quand tu joues à deux, il y en a toujours un en arrière de l'autre. Oui, là, c'est parce que le but, c'est pas d'arriver en avant. C'est ça, le but, c'est de détruire l'autre. Là, c'est ça, lui enlever là, son énergie puis ses vies. Puis on vient de voir les deux autos qui speedaient sur eux-mêmes. C'est des petits effets spéciaux quand la course le termine, quand on arrête la course, ça fait un petit effet spécial. Combien de temps dure une course? On décide du nombre de vies. Là. On a fait une course 5 vies, ça dure peut-être 4-5 minutes là, à peu près. Là, dépendamment. Là, le kit de base vient avec deux voitures. C'est possible de rajouter jusqu'à deux autres voitures. Puis chaque voiture, dépendamment de la couleur, a ses propriétés de base qui sont différentes. Peut-être que la jaune va aller plus vite, mais la rouge va être plus résistante puis avoir plus d'agilité. OK, c'est comme Mario Kart. Là. C'est quand tu choisis vraiment ton petit kart. C'est vraiment propre à la voiture, là, caractéristiques. Est-ce que c'est les deux mêmes... Dans chaque boîte. Dans le kit de base, c'est toujours la voiture jaune et grise. C'est possible d'acheter deux autres voitures supplémentaires qui sont vendues séparément au coût de 70$ chacune. Et le kit de base? Le kit de base est 200$. Bravo. Ben, c'est dispendieux. C'est un tapis... puis deux autos, mais il y a beaucoup, beaucoup de technologie dans l'auto. Ça, ouais. C'est de la robotique, c'est de l'intelligence artificielle. C'est un jouet de luxe, comme beaucoup de jouets sur l'iPhone. C'est pas vraiment un jouet pour les jeunes enfants. Non, c'est plus ça. C'est un peu comme le AR drone. Ados, le même adulte là, qui vont jouer avec ça. Là. Il nous a-tu dit qu'on le mettait dans le bon Noël? Non, hein? Okay. Non. Ça serait cool en tabarouette. Mais enfin, comme il me disait là, hier, c'est le genre de jouet là, qui va faire fureur, là, dans les parties de Noël là, de famille. Là, ouais, ceux qui ont ça. Ça là, tout le monde va vouloir essayer ça. Là, ça va être le voir. C'est ça. Mais essayez pas d'en trouver à Noël dans les magasins. Là, ça ne durera pas longtemps. Il n'y a pas vraiment eu de buzz au lancement. On n'a plus entendu parler, mais il y en avait 6 en stock au 10-30. Puis c'est tout ce qu'il y avait. Là, comme tu peux en commander sur le site carré. Non, ouais, non, c'est back order. Ouais. Mm-hmm. Ça va être d'accord longtemps. C'était vraiment c'est très Apple limité. Store comme demain. OK. Si vous voulez l'essayer aussi, ils organisent au Apple Store sur la rue Sainte-Catherine, ici à Montréal, vers la fin du mois de novembre, une démonstration d'un Key Drive en magasin. Ah, excellent. En soirée, là, de 6 à 8 heures. J'avais demandé à Laval s'il y en avait un en démonstration. Ils n'en ont pas installé un, mais c'est intéressant de savoir. Si vous allez sur le site de Key Drive, il y a une liste des Apple Store, il va y avoir les démonstrations. Je vais juste essayer de vous retrouver la date, là, si vous voulez, mais c'est dans la liste là, des événements sur... Mais l'application va évoluer au fur et à mesure. Là, Oui, c'est la version 1.0. Il y a déjà le mode course là, qui s'en vient. On le voit dans l'application, là, ça s'en vient. C'est le jeudi 14 novembre à 6 heures pour la démonstration d'Enki Drive. Okay. C'est le seul Apple Store Québec là, qui offre la démonstration. Les autres, il y en a en Ontario puis un peu partout aux États-Unis. Ouais. C'est bien intéressant. Donc, un iPad Air ou un iPad mini avec un Key Drive, je vais devoir réfléchir à ça. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait des armes. J'espère qu'ils vont en rajouter C'est ça. Aussi. Moi, j'aime le fait qu'il n'y ait pas de in-app purchase, donc ça l'oblige le monde. Ça aurait été vraiment cheap mettre des in-app purchase avec un kit à 100$ en plus. À 200$, oui. C'est ton petit kit à 99 cents là, pour débarrer. Il y a de plus en plus de gadgets dans ce genre-là au Apple Store. Ils vendent la Sphere maintenant, le Sphero. Oui. Qui est une boule contrôlée par le iPhone. C'est pas une voiture téléguidée, mais c'est vraiment une balle. C'est assez intéressant. Puis, il semble avoir vu d'autres choses. Ils reçoivent de plus en plus d'accessoires. Il y en a plus aux États-Unis encore. Non? OK. C'est aujourd'hui. Quelle application est sortie, a été mise à jour? Asphalt 8 a été mise à jour aujourd'hui. Puis, il est gratis maintenant au lieu de 99 cents. Et... dans l'application, c'est pas encore sorti, mais les autres la supportent déjà. La manette iOS qui s'en vient par Logitech. Qu'on a parlé exactement. Fait que c'est la seule application. Tu la vois, la manette, dans l'application. J'ai pas mis à jour parce que c'est comme un gig, ça. Là, okay, ça. Ouais. J'ai pas de Wi-Fi à la job. Mais il annonce la petite manette iOS. J'ai hâte de. Je pense que je vais l'acheter, moi. Ah ouais. La petite manette iOS, là, le petit gamepad du Super Nintendo, là, je pense que je l'achèterais. Si tu joues beaucoup et tu joues à des jeux qui sont supportés. Ah, même si je joue pas, juste voir ce que ça donne. Parce que, tu sais, il y a eu un test sur le site de Mac Québec là, avec le. Comment ça s'appelait, le petit doigt là? Le joystick it. Bon, le joystick it, ça a l'air que c'est pas fameux si t'as un mini. iPad mini, ça fonctionne pas vraiment la taille là, pour aller. Puis c'est basé sur la taille comme moyenne des joysticks de jeu. Là. C'est ça. Fait que. Mais non, je pense que. C'est vraiment un joystick. Ça sera pas bien cher, cette petite affaire-là. Là. Ils vont te vendre ça 30$, là, le cossin. Logitech, 30$. Ben! Tu sais, s'ils veulent en vendre, là, ils te mettront pas ça bien cher. Hey, c'est un petit kit, c'est un connecteur, puis. Tu sais, ça coûte pas cher. Tu t'achètes une manette Super Nintendo sur eBay, USB, là. Coûte 10$. Là. Fait que, d'après moi, ça sera pas bien cher. Il y a le connecteur Lightning là-dedans, puis il y a des technologies Apple là, qui sont. Ouais. Apple va vouloir contrôler propre. Ouais, 30-40$, là, peut-être. Cool. Mais bon. Ça risque d'être intéressant, tout ça. On vous laisse pour un petit message publicitaire et on revient après ça. Le podcast Mac Québec se poursuit dans un moment. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @macquebec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Mac Québec, le podcast. Bonjour et bienvenue, de retour au podcast. Il y a notre ami Jean-François qui s'est levé pendant la pause pour aller nous chercher probablement des rafraîchissements. Il y a plusieurs nouvelles, en fait, évidemment, qui sont sorties du côté d'Apple. Une qui est toute fraîche et que j'ai rajoutée au line-up de l'émission. Apple construirait une usine en Arizona qui créerait autour de 700 emplois. L'usine serait écologique, car elle serait fournie en électricité par de l'énergie solaire uniquement, donc pas d'autres formes d'électricité. Quoi de mieux, de toute façon, qu'en Arizona pour construire une ferme dans le désert, solaire? Là. Exactement. Le soleil est assez efficace là-bas. Mm-hmm. L'usine servirait à fabriquer le saphir de verre, le verre de saphir qui est utilisé pour les objectifs des appareils photo depuis le iPhone 5, si je ne me trompe pas, et aussi pour la protection du bouton Home. Le Touch ID. Le Touch ID du iPhone 5S. Donc, évidemment, les gens en Arizona sont bien contents. Et c'est une façon aussi pour Apple de s'excuser d'une certaine façon parce que la plupart de leurs produits sont construits en Chine comme tous les autres fabricants. Mais il y a de plus en plus de fabricants qui commencent à fabriquer des pièces aux États-Unis puis ils les envoient en Chine pour l'assemblage final. Parce que il faut que l'économie soit motivée aux États-Unis, évidemment, parce que là, ça va pas très bien, on s'en rend compte. Donc, et Apple a été mis sur la sellette là, il y a quelques mois à cause de ses pratiques au niveau de son argent qui est surtout ailleurs en Écosse, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Donc, voilà, ils ont été appelés devant le Sénat. Le Sénat. Le Sénat. Pis c'est là qu'ils se sont fait dire par, je pense, c'est John McKay qui demandait à Tim Cook, hey, pourquoi je suis toujours obligé de mettre mes applications à jour. Puis là, c'est là qu'il a dit dans iOS 7 que ça s'en vient. Mais ça marche pas toujours, hein. C'est comme, c'est vrai? Ça marche pas toujours. Faut que tu sois sur du Wi-Fi premièrement, je pense, parce que si tu penses sur tu peux lui dire que tu veux tu peux le forcer, mais c'est sûr que je sais pas c'est à quelle fréquence qu'il vérifie qu'il y a des mises à jour. C'est pas instantané là, mais moi l'important là, c'est que le matin je me lève puis il y a plus de mise à jour à faire. Moi s'il y a une mise à jour qui sort pendant la journée, si je la veux absolument maintenant, ben là je vais la mettre manuellement, ça me dérange pas qu'elle s'installe tout seul, mais au moins quand je connecte mon iPhone le soir, je les installe pendant. J'ai encore le réflexe d'aller voir. Ouais. Oui, j'ai encore le réflexe. Moi, je l'ai désactivé parce que ça bouffe de la batterie. Fait que je vais voir de toute façon. C'est ça, mais moi, j'ai encore il est activé automatique, mais j'ai encore le réflexe d'ouvrir mon App Store et aller voir mes mises à jour que j'ai. Mm-hmm. Moi, l'autre raison pour laquelle je l'ai désactivé, c'est que si tu ne vas pas le faire manuellement, comment tu le sais, c'est quoi les nouveaux features qu'ils ont mis dans ton application? Mais tu vois les mises à jour qui ont été installées. Ça reste... Oui, tu peux aller les voir dans le log, mais si tu ne fais pas l'exercice d'aller les voir, tu ne sais pas c'est quoi les nouveautés. Ouais, là, ouais, c'est ça. Fait que tu ouvres l'application, là, ce que tu voulais faire, c'est plus là. Mais il y a deux, trois trucs de plus, c'est cool. Mais en tout cas, moi, je regarde sur mon iPad surtout, plus que sur mon téléphone, mais il y a beaucoup d'applications qu'on a sur nos téléphones qui sont strictement pour rien. Il y a la cochonnerie. Je sais pas c'est quoi le pourcentage d'applications que le monde utilise, là, mais ça doit être très faible. C'est en bas de 5%, c'est quasiment ça. Probablement. Ben, peut-être, en tout cas. Tu sais, j'ai plein d'applications. J'ai plein d'applications, puis je me sers de Facebook, Twitterbot, puis... maintenant, les applications, il y a une pastille bleue à côté pour te dire... Quand ils ont été installés. C'est des nouvelles applications que tu n'as pas encore ouvertes. C'est ça. Puis, tu sais, tu passes une couple de semaines pour retourner à des applications, puis tu fais comme... OK, c'est quoi Driptic, puis c'est quoi Drittle, puis... Il y en a un paquet, là. Mais tu sais, quand tu lis un article sur une application, tu fais comme « Wow, c'est bien cool! » Là, tu vas la télécharger, elle est gratis, ou à 99 cents, tu l'achètes, tu l'ouvres, là, ils font comme créer un compte, là, tu fais comme « Ah, pas tout de suite. » Puis là, tu te souviens plus à quoi ça sert, puis tu l'utilises pas, là. Comme « partagez vos mariages, où est-ce que vous êtes invité, puis le nombre de bouquets que vous avez attrapés. » Non, je vais pas faire ça. Non, c'est ça, tu sais, c'est comme... Mais parlant d'applications utiles, il y a l'application Remote de Apple qui a été mise à jour aujourd'hui hein, pour adapter. En fait, il n'y a pas de nouveauté. Non. C'est juste que ça a été adapté à la sauce iOS 7. iOS 7. C'est ça. Puis, bizarrement, je lisais cette semaine sur Twitter, la dernière application qui va être mise à jour, c'est iBook. Parce que là, à peu près toutes les applications d'Apple ont été mises à jour à date. Mm-hmm. iBook est encore avec l'ancien truc. Okay. Et c'est encore des étagères. Ouais. C'est, mm-hmm. Il y a encore du skeuomorphisme là, là-dedans. Là. Donc, c'est sûr que Johnny Hive va passer la hache dedans éventuellement. Là. Il ne laissera pas ça aller. Là, mais... On risque de voir ça dans les prochaines semaines, mais c'est une application qui est supposée rapporter quand même beaucoup d'argent à Apple. Là. C'est, ça sert l'iBook, à vendre. Ouais, ils ont développé une version pour OS X en plus là, avec Mavericks. Mm-hmm. C'est comme bizarre là, qu'il n'ait pas mis à jour en même temps. C'est vrai, je peux lire Astérix sur mon ordi. Ben oui, tu peux lire lire Astérix maintenant sur ton ordi. Je veux juste, moi, je ne me rappelle plus comment ils l'ont mis dans Mavericks, les livres. Il est full screen. C'est ce qu'on disait au début d'émission, la souris là, sur un truc comme ça, là, c'est pas... Non, c'est ça, parce que là, c'est le nouveau feature de Maverick qui... J'essaie de faire le focus à la caméra. Il focusera pas plus. Il focusera pas plus. Non, OK. Non, je sais pas pourquoi. Mais ouais, c'est ça. Ça, c'est le nouveau feature de Mavericks. Le bureau est tendu. Comme on dit en français. Mm-hmm. C'est le fun, c'est super le fun, sauf que ça lag. Oui. La souris, là, quand elle bouge, là, tu la vois qu'elle lag, là, qu'elle roche. Là, t'sais. Fait que je sais pas, c'est super pratique. C'est manipulable, c'est intéressant. Mais sauf c'est que correct pour du web. Oui, oui, c'est ça. Ça. Va pas jouer à un jeu vidéo là-dessus. Ah, puis vas... commence pas à faire ton montage vidéo puis à jouer avec Illustrator puis Photoshop. Là, tu vas pleurer ben, ta mère. Ben, sur Final Cut, tu pourrais avoir un écran sur ta télévision en plein écran, puis quand tu fais jouer ton film, ça joue, mais non, tu fais pas ton montage là-dedans. Non. Fait que... Certainement pas. Mais c'est un beau feature, j'aime bien ça. Oui. J'ai branché 3 écrans chez nous, là, puis j'ai capoté. C'est le fun. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir une grosse TV en arrière, puis de faire apparaître du stock dessus. Ah ouais, c'est cool, mais oui. C'est comme tantôt, on écoutait Captain America. Voilà, c'était très beau. Oui. On parlait du iPad tout à l'heure. Le iPad offre une autonomie de 24 heures en mode personal hotspot. Ben oui, j'avais pas vu ça. C'est vous autres qui m'avez dit ça tantôt. C'est quand même. Évidemment, c'est pour le iPad LTE. Oui, c'est ça. Mais avec la batterie qu'il y a à l'intérieur, qui a diminué par rapport à l'autre version. Ah oui? Oui, la batterie est plus petite. Elle est maintenant 2 cellules, contrairement à l'ancien qui était 3 cellules. OK. Puis elle est de 2000 quelques milliampères au lieu de 3000 quelques. Oh. Parce qu'il est plus mince, là, parce qu'il fallait de l'espace, mais je pourrais pas te dire exactement. Là, le processeur, probablement A7, est plus optimisé. D'ailleurs, il est plus, on le disait tout à l'heure, il est plus rapide, mais quand même pas mal sur l'iPhone. Au bout de 2 minutes à fonctionner à pleine capacité, pour se protéger lui-même, le processeur va downclocker d'à peu près 30%. Aïe, aïe! Oui. Et à cause de la petitesse, je pense, je ne sais pas exactement. Mais il fonctionne full pin sur le iPad Air. Donc, OK. C'est pour ça que les Geekbench sont très bons. Sont très, OK. Ah ben. Voilà. Tu me disais tout à l'heure que le iPad... En fait, Apple avait discontinué. Ouais, et de retour en magasin. Là. Ça a vraiment été temporaire. Là. Ça apparaissait comme discontinué sur... sur le site web, mais il n'y a pas de problème pour ceux qui s'achètent un iPad 2 ou pour ceux qui veulent changer leur smart cover là, carrément. Vous pouvez encore acheter le smart cover pour iPad 2, 3, 4, là, au moins sur Internet. Je ne sais pas s'ils l'ont encore en stock en magasin, mais ça devrait. Excellent. Les développeurs à Apple ne peuvent pas utiliser l'image du iPhone 5S or ou gold ou pour certaines personnes, en fait, et à l'interne, je pense qu'ils l'appelaient le Kardashian phone. Ouais, à l'interne. Ouais. Dans leur matériel promotionnel, il n'y a que Apple qui peut utiliser le téléphone, le Gold Phone. À la base, le seul qui ont le droit d'utiliser, c'est le noir ou le Space Gray là, maintenant. Dans Apple fournit des templates là, finalement là, pour que les développeurs utilisent, qui ont juste à mettre l'image de leur application dans le téléphone. Ouais. Puis la seule qui est fournie officiellement, c'est le noir, autant pour l'iPad que pour l'iPhone. Pour l'iPod Touch, c'est l'iPod Touch avec le derrière bleu. Okay. Pour l'iPhone 5C aussi, c'en est un de couleur. Là. Ça doit être le bleu, là, probablement, c'est lui qu'on voit partout. Ah! Raconte donc l'iPhone 5C chez Target. Ah oui, à 49 À 49 piastres. Oui, ce que Jonathan Moreau a fait. Oui. Uh-huh. Oui, l'iPhone 5C qui est offert présentement chez Target Mobilité à 49 $. Je savais même pas qu'il y avait un service de mobilité, eux autres. Oui, ben c'est le même style de service qu'ils ont chez Best Buy. Là, okay. Tu peux activer les téléphones de tous les fournisseurs. Là, pis, Fait que là, ils ont un iPhone 5C à 49 iPhone 5C à 49 $. Combien il est vendu là, habituellement là, chez les fournisseurs? 99. C'est quand même une bonne économie pour un forfait de 3 ans. Oui. Deux ans maintenant. Les mêmes conditions là, que pour le fournisseur. Puis il y a quelqu'un dans notre équipe, justement, Jonathan Moreau, qui a mis à l'épreuve, si on peut dire, le service de Price Match de Rogers, leur garantie des bas prix, là, finalement, qui, même si Target, c'est indiqué sur le site de la garantie des bas prix, comme détaillants nationaux, il y en a deux, il y a Walmart puis Target. Il voulait rien savoir là, d'y égaler là, son forfait. Là. Mais il a fini par réussir à l'avoir, puis il y a eu un bon forfait là, aussi avec le fameux département là, de rétention. C'est fou, hein? Tu sais, il te rentre ça dans la gorge. Moi, j'aime ça, l'expression de rentrer ça dans la gorge. Un produit ou un service, tu sais, avec les annonces qu'ils font, Rogers, mm-hmm. que, OK, je me souviens plus, c'est quoi le nom, là? C'est quoi le nom de leur programme? Il y a un programme, Avantage, je sais pas trop. Ah ouais, l'Avantage Rogers, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, un avantage. Là, il te rentre ça dans la gorge bien profond, mais quand tu essayes de l'avoir, par exemple, ah, ben là, c'est une autre histoire, là. Je sais pas. Hey, c'est 50 piastres, là. Ouais. C'est pas immense, mais c'est quand même 50 piastres. Tu vas chez Maxi là, avec ton circulaire. Là, uh-huh. T'arrives chez Maxi, là, ton mm-hmm. Oasis, tu vas le payer 88 cents chez Walmart. Il est 1,69 chez ouais, Maxi. Ils vont le légaliser. Ils vont te légaliser, ils te posent mm-hmm. même pas de questions. Là. Mm-hmm. Tu montes le circulaire, merci, bonsoir. Mais la majorité des magasins sur ce programme-là, mais en plus, sur le site de Rogers, c'est pas comme si c'était écrit seulement dans les détaillants nationaux. Mais non, c'est marqué, là, c'est marqué blanc, là. Dans les détaillants nationaux, 2 points, Walmart Canada, Target. Il n'y a pas d'interprétation à avoir. Il est là, il est écrit Target. Ça, il est écrit là. Mm-hmm. S'il ne l'aurait pas eu, il aurait dû écrire à la facture. La facture. Ou il y a le truc du bureau du président là, chez Rogers puis Fido. Ouais. Cherchez ça sur les forums. Là, vous allez ça. Le service à la clientèle de haut niveau. Là, un coup, le premier niveau, le deuxième niveau est épuisé. On passe au troisième niveau. Là, c'est ça. C'est que ça arrive direct dans le bureau. Vous envoyez une lettre. Là, pis, c'est sûr, vous envoyez une lettre. Vous êtes très poli quand vous envoyez la lettre. Là, vous expliquez votre problème le plus résumé possible. Parce que c'est quand même quelqu'un qui lit ça. Là, si c'est trop long, si ça finit plus, ils vont flusher la lettre. Là, mais si c'est bien expliqué puis le point est valide, ils vont vous accommoder. Ils ont pas. C'est quand même une compétition là, le sans fil au Canada. Certains sites auraient vu apparaître. En fait, Mavericks vient de sortir, mais certains sites verraient déjà la version 10.10 sur leur site. Donc, c'est déjà en développement mm-hmm. parce qu'ils ont un an pour la développer. Oui, c'est de maintenant façon. 11 ans, mais les systèmes d'exploitation. Voilà. Le nom de code, si je ne me trompe pas, je l'ai pas écrit. Shira. Hein? Shira, S-I-R-A-H. OK. Qui est une, je pense que c'est une plage encore de surfeurs, si je ne me trompe Probablement. Pas. Probablement. Maintenant, ils ont dit que c'était toutes des c'est des attractions californiennes. Des attraits californiennes, c'est ça. Donc, ils vont probablement rester dans le thème de la vague, tout ça, avec cette plage-là. On ne sait pas les nouvelles fonctionnalités, là, demander. Non. Mais c'est en développement. D'après vous, là, ça va-tu être la dernière version de OS X, d'OS 10? Parce que là, on s'en va sur... Là, ça va être, mettons, 10.10. Là. Mm-hmm. J'espère qu'ils ne viendront pas faire 10.11. Là, jamais je créerai. Pourquoi pas? Oui, ils peuvent, mais le truc, c'est que de passer de 9 à 10, ils ont développé quelque chose de nouveau. Tu sais. Mm-hmm, mm-hmm. X, c'est pas juste pour X, c'est comme c'est le fondement BSD qui est en dessous de ça, FreeBSD, tout ça, donc le fondement Unix mm-hmm. qui est en arrière de tout ça. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'ils vont lâcher ça? Je pense pas qu'ils lâchent le X pour l'instant, à moins qu'il y ait vraiment... Il faut pas juste... une nouvelle plateforme puis ils redéveloppent quelque chose. C'est ça. Il faut pas juste qu'il y ait un redesign, parce qu'on sait, on compare l'apparence du premier 10.1 ouais. Hey boy. 10.0, 10.1 à ce qu'on a aujourd'hui avec 10.9. Le redesign est là, puis ça n'a pas changé. On est encore dans macOS 10. Il faut vraiment qu'il y ait un changement là, au niveau de la base là, du système, là, plus qu'un redesign. Là. C'est pas juste ça là, qui va faire changer là, de version. D'après moi, de toute façon, s'il change de nom, c'est parce qu'il va y avoir un merge entre iOS et OS X. là, il y a du monde qui disent que ça va devenir le même système d'exploitation. Moi, j'y crois pas réellement. Je crois qu'ils vont continuer l'évolution de OS X jusqu'à temps qu'ils abandonnent le fait de fabriquer des machines si ça se fait un jour. Mm-hmm. Puis je suis pas sûr que les gens qui trippent comme nous sur Apple vont laisser faire ça. Ils font, tu sais, je veux dire, les parts de marché sont pas immenses comparées. Tu sais, bon, ils ont quoi, 10 % par rapport aux 100 %, mais tu sais, des compagnies qui vendent autant d'ordinateurs, il y en a juste 4 de plus qu'Apple. Ils sont 4e ou 5e. Ils font de l'argent avec l'ordinateur, contrairement à beaucoup d'autres compagnies. Mmh. Fait que je vois pas pourquoi ils arrêteraient d'en fabriquer si les gens l'achètent, si les gens l'utilisent. Là. Puis c'est pas prêt de s'arrêter. Nos amis du Front Créatif Montréal ont sorti un excellent article qu'on vous suggère cette semaine. En fait, on vous suggère beaucoup de leurs articles, mais celui qui a retenu mon attention, c'est un article sur différentes solutions de dock Thunderbolt qui sont sur le marché. On le sait, Apple, pour diminuer la grosseur de leur machine, ont retiré beaucoup de ports de leur ordinateur, ont mis des ports Thunderbolt en disant « vous pouvez plugger n'importe quoi là-dessus, on a des adaptateurs à 30$, mais une fois que tu as acheté des adaptateurs, que tu en as perdu deux qui valent 30$, que tu en as racheté deux autres puis que ça vient de te monter à 120$, Puis leurs adaptateurs, c'est une chose à la fois. Donc, tu as l'adaptateur Ethernet, tu as l'adaptateur FireWire, tu as l'adaptateur pour l'écran. Exactement. Tu peux pas avoir plusieurs. Ben, c'est ça, mais c'est comme qu'on parlait quand on faisait la diffusion il y a deux semaines chez nous, les nouveaux MacBook Pro, là. Mm-hmm. Port Ethernet, plus de port Ethernet. Ça prend absolument l'adaptateur là, qui est ici. Là. C'est voilà. Comme, tu sais, c'est 30$ de plus. Tu sais. Ben, ce qui est cool, c'est que tu peux mettre deux ports Ethernet. Ben, c'est un petit 30$ de plus. Ouais, c'est ça. Ça te fait un bridge, là. Ouais. Mais sauf que ça te fait un petit 30$ de plus. C'est un petit 30$ de plus, mais c'est aussi un petit quelque chose qui t'inciterait peut-être à acheter le AirPort Extreme avec le 802.1ac pour avoir le Wi-Fi gigabit au moins. Ouais. C'est vrai. Moi, c'est ça que j'ai pensé. Si je viens m'acheter le nouveau MacBook Pro, Je vais peut-être incité à m'acheter le AirPort pour avoir le réseau, le gigabit. Oui, mais tu vas avoir une machine gigabit. Oui. Que tes autres soient gigabit pour dialoguer avec. Mais mettons. Mais les autres vont être branchés. Mon NAS va être branché filaire, puis le reste, ça va rester la même infrastructure que j'ai maintenant, sauf qu'au lieu d'avoir le gigabit là, par le fil Ethernet dans mon portable, je vais l'avoir par Wi-Fi. Puis dans le MacBook Pro, en fait, ils ont mis 3 antennes au lieu de 2, comme dans le MacBook Air. Puis en fait, là, on a la pleine vitesse du AC, ce qu'on n'a pas sur le MacBook Air. Je savais pas qu'il y avait 3 antennes. C'est plus lent, puis il y a 3 antennes sur... Voilà. Donc, les différentes solutions, en fait, il y en a de différentes compagnies. Il y a Call Digit qui en offre un. Matrox qui en offre un. Et celui qu'eux recommandent parce qu'il semble plus complet. Puis pas trop cher, mais en même temps, c'est un truc qui vaut 300$. C'est celui de Belkin. Qui est intéressant. On se rappelle, en fait, il y a très, très longtemps, et ça vient de me remonter en tête, Apple a un brevet sur un power supply sur lequel il y aurait ces ports-là aussi. Donc, ils ont déjà pensé dire, bien, si on ne met pas les ports sur l'ordinateur, on va aller les mettre sur le power supply que les gens transportent de toute façon avec eux, ou en fait, leur donner une meilleure raison de le transporter. Puis finalement, j'imagine que l'idée a été abandonnée, là, mais s'ils ont déjà pensé à quelque chose comme ça. Mais je regarde, c'est vraiment le Belkin le plus avantageux. Là, parce que les autres, il n'y a aucun... Parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui utilise du FireWire. Oui, là. Oh, ben oui, nos disques durs fonctionnent. Nos disques durs fonctionnent encore en FireWire, mais c'est le seul qui l'offre encore, le FireWire 800. Ouais. Et tu as 3 ports USB 3 dessus, là. D'ailleurs, une nouveauté de Mavericks qui n'a pas été mentionnée, il y a de la réseautique par câble Thunderbolt maintenant. Donc, tu peux connecter 2 ordinateurs ensemble, créer un réseau entre les deux. Okay. Donc, ton fil Thunderbolt devient un fil réseau. Je l'ai vu passer, c'est vrai. Et tu peux le faire. Par contre, il semble que ce ne soit pas hyper stable. Non, parce qu'on l'avait essayé, mettons, moi, avant. Avec le mien puis le tien, on l'avait essayé. Moi, je pense qu'on était à Québec, on voulait transférer quelque chose, puis ça n'avait jamais parti. Non. Tu sais, en Target 10, ça prenait vraiment, je ne sais pas trop quoi que ça nous disait, puis ça n'avait jamais marché. Mais là, ça marcherait d'abord. Oui. Mais ça, c'est pas du Target, c'est vraiment de la réseautique. Oui, c'est de la réseautique, comme le FireWire a fait. OK, c'est ça. OK. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? La prochaine nouvelle, c'est quoi? C'est Rogers qui a eu... Ah oui, Rogers a eu une méga panne. Oui, on se souvient de la panne il y a peut-être un mois de ça, à peu près. Ouais. Rogers avait promis des crédits là, d'une valeur, de la valeur d'une journée là, aux utilisateurs là, qui étaient abonnés à ce moment-là, autant aux services prépayés qu'aux services post-payés. Et puis, les crédits commencent à être appliqués. Là, donc, vérifiez votre prochaine facture. Les abonnés de Rogers, Fido, Chatter... Autre réseau affilié. Ah, ça paraît pas, mais dans mon cas, ça va payer 3 mois de 9-1. C'est bon. Comment ça, 3 mois de 9-1? Ben, c'est 50, c'est une pièce, le 9-1. Ah, OK, c'est... oui, oui. Ouais, okay. Je vais avoir 3 pièces de rabais. Ah. C'est ça. Ouais. Ouais, fait que un gros rabais. Ben, c'est mieux que rien. C'est mieux. Il aurait pu. C'est dans les conditions qui sont pas responsables de ça, mais ils ont préféré le faire. Ça a quand même touché tout le Canada. Ouais, hein. C'est ça. Mais c'était. Est-ce qu'on sait c'est à cause de quoi? Ils l'ont pas dit. Ils le diront pas non plus. Là. Que, c'est géré par les mêmes gens que la STN. Ouais, c'est ça. Exactement. C'était une mise à jour de serveur. Non, mais tu sais, mettons, ils lui rendront pas de titre si on est hacké. Non, c'est vrai. Ils le diront pas. C'est comme. C'est peut-être une erreur humaine, mais ça m'étonnerait que ça soit vraiment... Mais mettons, c'est du hacking, là. Les médias auraient trouvé ouais, une source, ça, comme quoi c'est du hacking. Mais ça doit être une petite erreur niaiseuse humaine là, qui a fait planter le système au Canada en entier, là, mais... C'est comme la STM. prochaine nouvelle, Siri. T'es vu dans un épisode des Simpsons qu'on a peu montré la vidéo. Comment on peut pas le montrer? On peut-tu le montrer? C'est 20 secondes. En as-tu le droit? Bon. On va faire entendre le son, au moins. On montrera peut-être pas le vidéo. Il va jouer. Non, ça s'en vient. Je l'ai ici. On va mettre le son. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir. Là. On a le son ici. Ça s'en vient. C'est parti. Wow! That's a ball-proof window, sir. Would you like me to ask Siri for a nearby hospital? I'm sorry, I don't see any hops petals near you. Deleting all contact information. No, I didn't ask you to do that, Siri. Delete confirm. Ça dure 20 secondes, mais c'est drôle quand même. Ouais. Parce que c'est vrai que Siri n'est pas au point. Là. C'est comme ce que j'ai vu aujourd'hui en plus. Google s'en viendrait avec leur système au Canada dans Hangout. J'ai vu passer ça aujourd'hui. Okay. Dans Hangout. Ouais, dans Hangout. Google Voice serait dans Hangout, genre peut-être l'année prochaine. Okay. Mais je ne sais pas. Là, c'était tu veux dire Google Voice, le système, le système de gestion d'appel qui attribue un numéro là, au. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir, tu sais. Parce que, on dit tout le temps, là, mais il y a une différence. Mais pourquoi ça s'en viendrait dans Google Hangouts au Canada? Ah là, je ne sais pas. Parce qu'il y a une application Google Voice aux États-Unis. Mais ils l'ont pas ici. On ne l'a pas ici, je pense. Mais j'imagine que Google Hangouts, c'est Hangout, là, c'est de la vidéoconférence. D'ailleurs, on peut faire des appels maintenant dans Google Hangouts. Ça fait peut-être une semaine et demie là, que c'est lancé. Ah oui, c'est vrai. Canada-États-Unis. Canada, comme sur Gmail. Là, finalement, la même chose qu'on a accès sur l'ordinateur, qu'on avait accès avec d'autres applications aussi avant, non officielles. Non, mais c'est ça. Mais si Google Voice viendrait à être lancé au Canada, ils vont probablement juste lancer leur application. Ce serait pas mal plus simple qu'intégrer ça dans une autre application, tandis qu'ailleurs dans le monde, c'est pas... J'ai plus de connexion Internet, moi. Non? Non, je sais pas pourquoi. Oh. Pour Mavericks, en fait, on va faire un avertissement général. Nous, on a eu beaucoup de rapports, en fait, de clients qui ont eu des problèmes au niveau de Mavericks. Il y a des applications qui ne fonctionnent pas. Il y a des trucs comme ça. On diffuse toujours? Mm-hmm. OK. Parce que je pensais que son problème de... Oh oui. Je mets ma canette loin pour pas que ce qui s'est passé à la fin du dernier épisode se reproduise. Ben oui. D'ailleurs, il va bien. Il va très bien, mon nom de santé. Excellent. Ouais. Vivant. C'est ça, Western Digital qui met en garde ses clients pour Mavericks. Mais ce que j'expliquais, c'est une mise en garde générale, en fait. Nous, on l'a fait, la mise à jour. On savait comment retourner à 10.8. On savait qu'on allait rencontrer des problèmes. Mais si votre appareil, en fait, si vous êtes un utilisateur néophyte ou que vous commencez avec le Mac... mettre à jour le système d'exploitation à la version 0.0, c'est pas nécessairement une bonne idée. D'abord, il y a des choses à faire avant de faire la mise à jour. Il y a des vérifications à faire au niveau de vos applications. En simple exemple, en fait, l'antidote C'est sorti le 22 pour ce qui est de la patch. Mavericks, oui. De la patch, mais Mavericks était sorti depuis 3 jours. Mm. Puis nous autres, ça faisait un bout de temps. Là, qu'il y en a un autre qui est sorti en fin de semaine. C'est qui corrige. Il faudrait que tu ailles la faire. Il y en a un autre à faire. OK. Fait que. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça. Moi, je vais être obligé de le réinstaller, Mavericks, parce que là, ça date de bêta 1, là, ce que je roule. Là. Ouais. Puis je suis tanné. Tu sais, je veux dire, tu le vois que mon système commence à. Ah ouais? Ben, regarde, comme là, regarde, il est en train de se fermer. Là, ça fait 2 minutes. Là, puis la roulette. Okay. Ça tourne, là. Fait que, tu sais, moi, ça date depuis juin là, que je roule. Il doit y avoir beaucoup de fichiers. Il y a beaucoup de fichiers qui se sont accumulés puis qui se sont pas effacés au fil des temps de mise à jour et mise à jour. Fait que j'étais supposé de faire ça en fin de semaine, mais je l'ai pas fait, mais je vais le faire incessamment. Ouais, parce c'est que quand même. Faut que tu t'installes. Là. C'est ça qu'il y a. Là. Faut que... Ouais, mais c'est moins... là-dessus que sur Windows. Ouais. Mm-hmm. Windows, là, j'ai installé un système la semaine passée. Là. Ah, Windows X. Windows X. Windows XP. Non, Windows 7. XP, ouais. Okay. OK. J'avais 144 mises à jour à faire. J'en ai fait une récemment 100, pour un ami. 144 mises à jour. 128 mises à jour. Je capotais. Hein? Ça a pris 2 heures. Ah oui. C'est effrayant. C'est juste des mises à jour. Là. Le système est installé, il fonctionne, oui, oui. Mais tu peux pas l'utiliser. Non, tu peux pas l'utiliser. Hein. Hey, j'en reviens pas. C'est comme la version. Parce que là, cette semaine, on a appris aussi que Microsoft vont arrêter vraiment le support de Windows XP. Pour la 7e fois. Pour la 7e fois. Ben là, c'est le support étendu là, qui est encore. Ouais, ceux qui ont des contrats. C'est jusqu'en avril. Ben, ça fait longtemps que ceux que l'utilisateur régulier n'avait plus de support. Là. Mais là, ils vont vraiment. Ils mettent. Il arrête ça, là, c'est ça. Mais sauf qu'il y a encore beaucoup de compagnies qui utilisent Windows XP, parce que c'est un très bon système. Oui. Tu sais, après, ça a été Vista, ça a été de la... Tu sais, c'est un système sur deux, eux autres, de toute façon. Oui. Donc, ça commence, les compagnies ont de plus en plus Windows 7. Ah oui, mais Windows XP, mon serveur à job, moi, là, c'est un Windows XP. Là. Ah ouais, moi, à mon école, jusqu'à la dernière session, c'était Windows XP sur tous les ordinateurs. C'est ça. Fait que moi, tu sais... Je trouve ça poche. Je trouve ça poche qu'ils ne supportent pas parce que ça a l'air que même que Windows Defender ne fonctionnerait plus. OK. Ils vont mettre la hache de guerre carré dedans sur XP. En tout cas, on parle de Mac ici. Mais non, mais c'est vrai, c'est un peu poche parce qu'il y a quand même 21% des entreprises encore qui utilisent Windows XP. Mm-hmm. Fait que. Avez-vous déjà installé Windows XP sur un parallèle desktop avec un SSD? Non. Non. 2 minutes. Il est l'autre. C'est sérieux? Installé, les ISO, tu le vois défiler, mon homme, là. 2 minutes, ton système est de l'autre. Avec Parallels, oui, mais est-ce que c'est possible? Avec Parallels. Est-ce que c'est possible d'installer directement avec Bootcamp? Parce que Windows XP va détecter le SSD. Je sais pas, parce que moi, j'ai un Fusion Drive là-dedans. J'ai jamais essayé Bootcamp. J'ai trop peur de fucker mes partitions parce que vu que c'est pas géré par OS X, mais c'est géré par OS X, mais pas comme sur le sien, mettons. Ouais. Mais j'ai jamais essayé avec Bootcamp, mais j'ai installé parce qu'il fallait que je mette à jour le clavier de mon chum à la maison et ça prenait absolument Windows XP pour que ça fonctionne. Là, si j'en ai pour une demi-heure, mais je pensais pas que ça allait aussi vite. Tu sais, c'était jaune au début, puis là, ça fait 2 minutes, fini. 2 minutes, il était booté, puis je rentrais mon nom d'utilisateur. Fait que, merveilleux. Bon, on revient-tu à nos moutons? Oui. Page de vie. Fais donc jouer un petit le podcast de Mac Québec. Tiens. De retour au monde Mac. Le podcast Mac Québec se poursuit dans un moment. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast MacQuébec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. MacQuébec, le podcast. Toujours agréable d'entendre notre collègue Bernard et ses publicités. Et on remercie aussi l'EP pour les indicatifs audio. Merci beaucoup. Avez-vous des découvertes, vous? On est rendu là. Ben oui. Avez-vous des découvertes ou des applications intéressantes que vous avez trouvées récemment? Ah, mais il y a Rogers qui ont lancé numéro. Là, c'est... Trop là. Moi, je vais partir. Je vais parler de la mienne. One number. Pour iPhone? Pour iPhone, on a lancé ça aujourd'hui ou cette semaine. Ah, ouais, cette semaine. Fait que, moi, je ne l'ai pas réinstallé parce que ça avait planté mon compte quand je l'avais activé, quand ça avait sorti, ça ne marchait pas. Je ne l'ai pas réactivé, mais je pense que... C'est gratuit? C'est gratuit, oui, exactement. Le service est gratuit aussi. C'est la voix sur IP qui est ils te la donnent avec ton compte. Okay. Puis tu peux faire des appels au Canada puis aux États-Unis. C'est ça. Ah ouais. Fait ouais. Que les appels chez ton ami, ça continue à te coûter des minutes, mais des appels au Canada et aux États-Unis, ça, c'est gratis. Attends, je peux le transformer en téléphone, lui, là? C'est ça que ça veut dire? Oui, c'est l'avantage de l'utiliser sur iPad là, que de l'utiliser sur... C'est ça. Voilà. Pour ce qui est de ma découverte, moi, c'est la série... En fait, le créateur d'application Toca Boca, qui ont un paquet d'applications qui sont très, très belles, très, très bien finies, très colorées pour les enfants. Ils viennent de sortir Toca Boca Mini. Donc, c'est une application créative de création de vêtements, de têtes. C'est un peu, en fait, ce qu'on peut faire sur une Wii avec les petits Mi. Mm-hmm. Mais bon, il y a plus d'options. On peut mettre des décalques sur les t-shirts, des trucs comme ça. Fait que c'est une application très intéressante que je vais faire découvrir à ma fille qui utilise déjà. Il y a Toca Boca, salon de coiffure qui existe. Et tu as des personnages. C'est vraiment super drôle. Puis je joue avec de temps en temps. Tu peux raser le monde, tu peux leur faire pousser la barbe, tout ça. Fait que non, les ils vont se faire comme les Sims sortir 23 expansions. Ben je sais pas, il y en a plusieurs. Il y en a un, c'est une espèce de jeu, c'est une espèce de garage band pour enfants. Okay. Fait que c'est une espèce de monstre un petit peu bizarre avec des yeux puis très grand puis tout ça. Et ils font des bruits différents puis tu peux aller les mettre sur différents endroits et ils vont faire des beats différents. Puis il y a une musique que mes enfants font, puis elle est vraiment accrocheuse. Ah, okay. Comme je chante le refrain des fois, c'est très drôle. C'est-tu du in-app purchases ou non, non, c'est t'achètes c'est... l'application, okay. Qui est quand même... c'est peut-être à 2,99, okay. Là, c'est pas mais donné. Tout est dedans. Oui, c'est ça. Okay. Puis c'est des belles applications. Toca Boca en font une série, mais ce sont vraiment des très, très belles applications. Donc, cool. On vous le recommande. Sinon, on va rentrer dans le segment Les amateurs de Mac, bonsoir. Donc, si vous vouliez nous téléphoner, ben vous pouvez le faire maintenant. Sinon, on attend vos... On va peut-être avoir un appel. On va peut-être avoir un appel. On est, en parlant de questions, là, je viens d'aller voir sur Mac Québec Entraîne, puis on a quelqu'un qui a posé une question il y a 13 minutes, puis je viens de dire qu'on allait répondre. Et okay. C'est lui qui est supposé nous appeler. Ah oui? Ah oui? Son iPod? Non, son iPad de 4e génération. Ah non, c'est pas lui. Non, OK. Ah, je pensais que c'était Marc-Antoine qui voulait vendre son iPad. Si vous suivez notre collaborateur Marc-Antoine Bertillon sur Twitter ou sur Facebook, n'importe où, vous êtes au courant qu'il y a un iPad à vendre. Rendu là, c'est pratiquement du spam. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je prépare mon téléphone pour que les gens nous appellent. Ah, OK. C'est une étape que j'ai oublié de faire. Ah, bon, c'est correct. Bon, ben si on vous répond pas tout de suite, ne perdez pas patience et contactez-nous. Nos téléphonistes se feront un plaisir de prendre votre appel. Bon, question. Vas-y. De Michel Périllard sur Mac Québec Entraide. Remplacement de matériel à peau. Où dois-je appeler pour avoir mon numéro d'autorisation? J'ai une barre verticale blanche en haut de mon écran causée par l'écran défectueux. Okay? J'ai entendu dire qu'Apple les remplaçait gratuitement car c'est une défectuosité connue sur les iMac 2005 et 2006. Où dois-je appeler pour avoir mon numéro d'autorisation pour l'envoyer pour réparer dans une boutique BMAC? Que tu veux qu'on prenne un appel avant? Ah oui, es-tu là? Ben oui, il est en ligne. Ah, vas-y. Long, il va réapparaître dans 2 secondes. Bonjour. Et ça s'en vient. OK. Bonjour. Dans quelques secondes. Voyons, dans mes langues. C'est parti, il est en ligne. C'est parti. Oui, bonjour. Salut. À qui je parle? C'est Danick. Bonjour, Danick, ça va bien? Oui, toi? Oui, tu nous appelles de où? Québec. Excellent. Tu as une question pour nous, Danick? Oui, ben, je l'ai posté sur Mac Québec là, concernant la base AirPort. OK. Qu'est-ce qui se passe avec ta base AirPort? Ah, c'est que j'essaie de faire un réseau étendu avec et ça fonctionne pas. OK. Qu'est-ce que tu as comme appareil? C'est quoi le. Tu as un AirPort Express puis un AirPort Extreme, si je me trompe pas? J'ai fait un test avec les deux. OK. Normalement, en fait, c'est le AirPort Express qui va prolonger ton réseau. De la AirPort Extreme. Puis qu'est-ce que tu rencontres comme problématique? c'est qu'à tous les fois que j'extende, que j'ajoute mon menu, ma base AirPort en extension, si je rentre mon mot de passe pour mon réseau Wi-Fi, ça me dit que ça ne fonctionne pas que de vérifier. Là, Je vois dans le screenshot qui a été mis sur Mac Québec en train que l'adresse IP de la borne AirPort Express, une adresse en 192.168.0. quelque chose, l'adresse IP par défaut, le range IP par défaut d'un AirPort, c'est dans les 10.0.0. Est-ce que ça se pourrait que ça soit causé par ça? Ça dépend. C'est... Moi, j'utilise le modem de Bell pour extendre, Attends un peu, c'est pas la même affaire, là, parce que dans Bell, le routeur est intégré dedans. Est activé par défaut. Il faudrait étendre le réseau du AirPort Extreme avec le AirPort Express. On peut pas étendre le réseau du routeur de Bell avec le AirPort Express. Oui, c'est ça. C'est nulle part, ça. Hein? C'est dit nulle part, ça. On peut rallonger le réseau Wi-Fi juste avec une base AirPort. Ben en fait, c'est la fonctionnalité que Apple te propose, elle est appelée normalement WDS. Okay? C'est une fonctionnalité que le protocole Wi-Fi permet, mais qui n'est pas réellement supportée dans le protocole. C'est-à-dire que c'est pas imbriqué dedans et ça fonctionne pas à tous les coups. En fait, la problématique, c'est que chaque fabricant programme son truc un peu comme il veut. Mm-hmm. Donc, si tu veux étendre ton routeur de Bell, ça marche pas parce que la compagnie n'a pas parlé à Apple. Donc, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu désactives le Wi-Fi dans ton modem de Bell, que tu connectes à AirPort Express pour en faire un routeur sans fil. Ben, avant, en fait, moi, je déconnecterais le routeur total de Bell. Là. J'utiliserais c'est pas... C'est pas possible ou à peu près pas. On peut pas le désactiver? Oui, c'est pas possible parce que j'ai Bell Fibre. Ah oui, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il reste avec. Ouais. C'est ça. Mais tu peux désactiver le Wi-Fi de ton routeur et tu peux mettre ton AirPort Extreme en mode pont. Ouais. Donc, le mode pont, c'est que lui va devenir une espèce de filaire. Un pont. Et après ça, quand tu vas programmer ta AirPort Express, ben, tu vas lui dire de se connecter au réseau sans fil. Et techniquement, comme tu as fermé ta borne de Bell, le seul réseau sans fil qui va rester va être celui de ton AirPort Extreme. Mm-hmm. Et là, tu vas pouvoir étendre le réseau de ton AirPort Extreme. Mais tu ne peux pas utiliser le AirPort Extreme ou le AirPort Express pour étendre le réseau sans fil de ton modem de Bell. Fait que n'importe qui achète une base AirPort pour prolonger son réseau maison, il peut pas. Il faut absolument qu'il achète tout le kit d'Apple quasiment. À la base, l'AirPort Express est vendu comme un accessoire au AirPort Extreme, là, à peu près, là, ou un routeur vraiment de base. Là, tout seul. Mais c'est vraiment comme ça dans toutes les marques. Si j'achète un appareil D-Link pour étendre mon réseau, ben, je vais pouvoir étendre un réseau D-Link parce que c'est le même processeur et la même infrastructure. La même chose avec Cisco, je vais pouvoir étendre un réseau Cisco. Et bizarrement, ces points pour étendre ça, c'est plus cher que le routeur. Exactement, à la base. Ouais. Un routeur qui étend le réseau chez Cisco, ça peut être 150$, alors que le routeur, comme ils ont une beaucoup plus forte demande et qu'ils en vendent beaucoup plus, ben lui peut être à 75$ ou 100$. Donc oui, c'est un peu... Le protocole que tu veux utiliser, comme je te dis, n'est pas officiel dans la norme Wi-Fi. Donc tout le monde l'inclut, mais de leur propre façon. Donc, c'est comme une espèce de fonction propriétaire chez chacun des fabricants. Et c'est pour ça que ça fonctionne uniquement avec les composantes du même fabricant. Si tu étais avec un routeur d'une autre compagnie, par exemple un Linksys, il y a certains modèles que tu peux flasher pour aller mettre d'autres firmware avec, à l'intérieur. Justement, avec DDWRT, je pense, moi, j'ai des routeurs DIA615 de D-Link. Chez nous, j'en ai plusieurs. Ils sont tous identiques. Mm-hmm. Là, je vais pouvoir étendre le réseau d'un de chaque avec DDWRT parce que l'infrastructure, justement, c'est la même. C'est exactement le même signal partout. Voilà. Eh bien. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Excellent! On a répondu à la question de quelqu'un par téléphone! Fait que si t'as d'autres questions, tu viendras me poser, je t'aiderai. Vérité, un toutou en plus. Oui, c'est ça. C'est en ligne, on a un T-shirt pour toi. Non, ça, on n'a pas de T-shirt. Ah, merci. Pas de problème, ça fait plaisir. Bye, Danick. Donc, il faut marquer ça dans le grand cahier de Mac Québec. On a eu une question par téléphone. Le 4 novembre au soir. Le 4 novembre au soir. Là, le monde doit dire, c'est qui ça qui disait ça le 4 novembre au soir? Oui, c'est vrai que c'était né... C'était né après 90, oublie ça, tu sais pas c'est qui. Voilà. Fait que... En fait, c'est Jean Chrétien qui donnait la date des prochaines élections fédérales et probablement que sa langue a fourchu pour dire 5, mais qu'après ça, il s'est souvenu que c'était 4. Fourchait beaucoup. Oui, elle fourchait souvent et beaucoup. Donc, c'est ça, il avait dit le 4 novembre et c'est resté, en fait. Probablement à cause... Hey, attends une minute. C'est Frank Dattin qui n'arrêtait pas de dire ça à un moment donné. Oui, ouais. Mais... Infoman, ça doit... Infoman a ri de ça, ouais. Fait que ça fait 20 ans. Ben, comme il faut, là. Oh, oui. Tu penses que ça fait... Ben, Infoman, c'est la 10e saison, je pense. C'est la 10e saison. Dans le format, mais tu sais, avant, il faisait la même chose à TQS, la fin du monde était à 7h, ouais, c'est ça, 2 minutes de bug, puis... OK. Bon, donc, voilà, mais c'est Jean Chrétien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bien, on peut revenir à ce que Jeff est en train de lire. Oui. Pour le iMac, là. Oui. Finalement, pour résumer, c'est quelqu'un qui a un iMac qui date de 2005-2006, puis là, il y a un problème avec son écran, puis lui, il était au courant qu'il y avait un programme de remplacement d'Apple qui était en vigueur, là, à un moment donné, pour cet écran-là. La prescription, là. Uh-huh. C'est fini, là, ça fait 7 ans. Ces programmes de remplacement-là, c'est dans la durée de vie normale de l'appareil. Là, ça fait quand même 6 ans, là, même plus, 8 ans que l'appareil est sorti. Donc, Apple considère qu'après 8 ans, le problème que votre écran commence à avoir maintenant, c'est quelque chose qui est normal, qui peut survenir avec un écran. Si le iMac est encore supporté, là, ce qui m'étonnerait, là, parce que s'il y a des... En 2005, c'est un G5. C'est ça. En 2006, ça commençait, les Core Duo. Si l'iMac est encore supporté par Apple, ils vont vous changer votre écran, ils vont vous charger pour l'écran, par contre, parce que le programme de remplacement, le programme de garantie est terminé. Oui. C'est des choses qui durent habituellement 2-3 ans, là, ces programmes de garantie-là, au maximum. À moins que ce soit un rappel ordonné par les tribunaux, comme là, on pense l'adapteur du iPhone 3G là, qui était sorti, le petit adapteur là, pour brancher dans le mur. Qui avait été rappelé, il y avait des dangers de feu, mais là, vous pouvez encore le changer si jamais vous avez une version... qui n'a pas le petit point en arrière. OK. Au Péralé, en fait, nous, on n'est pas Apple, mais c'est en fait la réponse officielle que nous, on vous donnerait. Vous pouvez téléphoner au 1-800-MY-APPLE pour peut-être avoir plus de détails. L'autre chose aussi, c'est que... 1-800-MY-APPLE, c'est pour acheter les choses. Ouais, il y a un numéro pour la garantie, c'est le 1-800-263-3394. Excellent. Donc ça, c'est au Canada. C'est ça, en français. Voilà. Le Apple Care. Voilà. Et BMAX est fermé. Ouais, le Mac Urbain, c'est le Mac Urbain. C'est le Mac Urbain, ça? Non. Quand on tape BMAC, ça sort Mac Urbain en premier dans Google. Fait que peut-être que ça a été racheté. Peut-être. Pendant un temps, c'est une boutique qui s'appelait Radioactif qui avait acheté ça, qui essayait de mettre du. C'est quoi le nom de cette technologie-là? Pas un fournisseur Internet, ça, Radioactif. Oui, il faisait un peu pas mal. Exactement. Puis, c'est ça, en fait, l'histoire, c'est que le monsieur à qui appartenait la boutique. Les sous dans la boutique, c'était le beau-père qui les avait mis. Et quand il y a eu rupture entre monsieur et madame, il y a eu 50%. Le beau-père a voulu récupérer ses billes. Donc, voilà, c'est pour ça que la boutique a été mise en vente. Donc, ça n'existe plus, BMAC. Maintenant, en fait, un peu partout, c'est les boutiques Apple ou les revendeurs agréés comme la Coop Informatique la Coop. De l'UQAM. Oui, c'est ça. Tu vas nous donner un truc pour Mel? Ben oui, en fait, il y a beaucoup de problèmes avec la version 10.9.0. Ouais, on en parlait avant, Il y a du monde qui ont des problèmes avec Gmail. Il y a du monde qui, ont pas vérifié. Quelqu'un qui m'appelait cette semaine dit « Ouais, moi, je fais un peu de musique. Je devrais-tu mettre à jour à Maverick? » Non. Juste non. ça prend au moins... Tu sais, attends que 10.10 soit sorti pour mettre à jour à 10.9. Là. Surtout pour les professionnels, pour ceux qui utilisent des logiciels. Parce que le Core Audio, il y a un problème avec le Core Audio de site, avec surtout les nouveaux MacBook. Là, MacBook Air. Les MacBook Air, quand ils tombent en sleep, le son ne repart pas. Fait qu'il faut que tu ailles killer le Core Audio dans ton système. Fait qu'il y a une couple de problèmes avec le Core Audio. Fait que... On attend des patchs incessamment. Mais Devrait pas être long parce que c'est surprenant qu'on n'ait pas encore, mais en tout cas, nous au autres, moins une patch. 10.9.1 pour qu'on en bêta, là, pour ouais. nous. C'est pas encore sorti. Il y a bien des API et des affaires de base qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans Mavericks. Mm-hmm. Fait que... Mais bref, si vous venez de passer sous macOS X 10.9 et depuis la migration, votre boîte aux lettres Apple Mail était capable de s'exécuter correctement. Le simple fait de cliquer sur Mail entraîne sa fermeture instantanée. Voici la procédure à suivre pour corriger le bug et retrouver un système stable et particulièrement véloce. À chaque mise à niveau de macOS X, Mail lance un script de migration de vos boîtes Mail, donc quand on le démarre pour la première fois. Or, il s'est avéré, dans le cas de la personne qui écrit l'article, le logiciel se fermait dès lors qu'il tentait d'ouvrir un message. Il a essayé de nombreuses opérations et parcouru les messages d'erreur pour finir par trouver la solution sur le forum officiel. La procédure est fort simple. Vous fermez Apple Mail, vous lancez le terminal, donc peut-être lancer un petit Time Machine avant, là, juste être sûr de ne pas tout scraper. Oui, ouais, mais c'est Gmail, iCloud, puis ça ne change pas grand-chose. Non, là. C'est ça. Ça, vous avez Vidéotron ou Hotmail. Là. Donc, dans le terminal, et ce sera dans les notes du podcast, donc peut-être attendre, là, mais je vais quand même la dicter. Donc, la commande, ce serait « default » avec un S, D-E-F-A-U-L-T, S, espace, delete, donc on va effacer quelque chose, espace, com.apple.mail, com.apple.mail, espace, color, le C est majuscule, quarter, Q-U-O-T-E-R, le Q est majuscule, color, encore, C majuscule, O-L-O-R, list, L majuscule, I-S-T. Et vous faites entrer et vous relancez Apple Mail, le problème devrait être résolu. On ne nous explique pas, par contre, dans la recette, pourquoi le... Non, mais c'est que ça fait, ça, le core... C'est ça, juste... Le color quarter colorless. Oui, on dirait que c'est une couleur de... Bonne question, mais j'ai l'impression qu'à cause de la gestion des tags maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose qui migre, mais qui ne migre pas de la bonne façon. Donc, ça ferait une espèce de reset de ce paramètre-là. Donc, tu sais, on va l'essayer. En tout cas, pour ma part, je vais l'essayer tout de suite, quitte à tuer mes... Avez-vous vu aussi chercher... Parce que le PC à Jason, chez nous, il est connecté avec mon Mac, tu sais, si je veux transférer des fichiers, des gros fichiers Ubuntu, tu sais. Ouais. Puis, je cherchais le SMB l'autre jour. Ouais, apparemment, il est plus, j'ai cherché longtemps. Hein? Parce qu'il n'est plus pareil. Non, c'est du SMB2. Ouais, ils ont mis à jour le SMB. Okay. Et il n'est pas très stable. Ouais, non, c'est pas très stable. Et c'est une nouvelle commande. Ce n'est pas la même commande. C'est iClef, je ne sais plus trop. CIFS. Quoi. CIFS, bon. Oui. Puis j'ai cherché comme un bon pour faire fonctionner mon réseau. CIFS, c'est une commande quand vous vous connectez à un serveur à distance. Et notre ami Patrick Ducharme sera peut-être intéressé, mais probablement qu'il a déjà vu passer la commande. CIFS, c'est une commande qui va forcer le système à utiliser la version 1 qui est stable, plutôt que la version 2, qui est celle qui est maintenant intégrée puis qui risque de patcher éventuellement. Mais effectivement, il y a un problème avec. Et pire que ça, en fait, ce que je lisais, c'est que le AFP est deprecated. Ouais. Oh. Donc, ça veut dire que, pour l'instant, ils ne l'ont pas enlevé, mais ça veut dire qu'ils ne le développeront plus. Donc, ils vont continuer avec le protocole SMB. Et ils ont choisi le SMB2, probablement, qui avait les qualités qu'ils cherchaient. Mais là, l'intégration n'est pas bonne. Fait que c'est comme en deux... L'AFP ne sera plus là. Non. Éventuellement, là, ils vont s'en aller, mais ça va bien. C'est même plus simple que même le SMB. Là. Mais probablement que SMB2 doit supporter Time Machine, jamais je croirais. Là. Est-ce que si ça s'en va, ces affaires-là, il y a bien du hardware qui ne suivra pas là, de exact. Ça. Moi, mon NAS, c'est en AFP, puis j'ai l'option de le mettre en SMB. Oui, mais probablement un SMB, c'est à peu près toute la même version, là, c'est IFS. Oui, mais sûrement qu'après, tu vas avoir une mise à jour système de ton NAS à faire. Là. Tu vas J'espère, parce que c'est pas sûr. Non? C'est pas garanti. Non, je sais bien. Ouais, ça dépend des compagnies. Là. Moi, j'ai un app QNAP, mais les mises à jour, ça, des fois, il y a des bugs. Puis, Donc, penser, on va voir ça. Moi, je suis pas chanceux dans mes achats de matériel, là, surtout si j'ai pas de MacBook Pro, Vera. dans Mac Québec Entraide, on a... c'était quoi avant qu'on disait? Si j'achète un iPad 4e génération usagé pour mon fils, peut-il avoir sa propre adresse courriel iCloud gratuite? La réponse, c'est que non, parce que c'est pour votre fils. Ça serait pour votre femme, ça serait... Non, pas du tout, mais tout le monde peut avoir... Ça y a. Tout le monde peut avoir une adresse iCloud gratuite, même pas besoin d'avoir d'appareil Apple. Quel âge? On peut aller sur 13 ans, je pense qu'il y a une limitation au niveau de l'âge, mais vous avez juste à tricher au niveau de l'âge que vous donnez. C'est comme sur Facebook. Par contre, souvenez-vous-en que vous avez triché parce que dans le protocole pour retrouver le mot de passe, il vous demande la date c'est de ça. Naissance. Donc, mettez la vôtre au pire aller. Puis oui, vous pouvez avoir un compte iCloud gratuit de 5 gigs avec le mail dedans. Créer le compte avant d'avoir acheté l'iPad. Comme ça, vous pouvez vous connecter directement là, quand vous avez l'iPad. Pas besoin d'avoir d'appareil. T'as-tu perdu ton tes gigs, toi? Oui. T'es rendu à 5? Oui, puis j'ai un truc qui me dit souvent t'as plus de place. Fait que là, tu fais plus tes backups. Là, tes backups se font plus, toi. Tu backups plus tes photos. Puis, non. Ah, c'est ça. OK. Mais je suis allé voir, puis j'ai jeté comme quelques backups qui étaient dans les nuages, puis ça a descendu, mais je pense qu'il y a un paquet d'autres choses là, que j'utilisais. L'application, puis ouais, les affaires j'utilise encore. Moi, je m'attendais à la limite à ce que, à cause de, bon, tous les autres services que Apple, mais qu'on retrouve qu'il y a beaucoup de concurrence, que Apple augmente au moins à 10 cette limite-là là, de 5 gigs, là, ça commence à faire pic-pic. Ouais, c'est pas un gros 5 gigs. Pour venir en arrière un petit peu, là, dans la section applications, là, on a comme passé vite un peu. Ouais. Je viens de penser à ça, je viens de voir un tweet de Patrick Duchamp justement sur Twitter. Concernant Tweetbot, qui a été mis à jour à la version 3 là, dans les deux dernières semaines, là, c'est une belle mise à jour, trouvez-vous? C'est une jolie mise à jour. Je suis un peu déstabilisé. Moi aussi, parce qu'il y a des fonctions que j'utilisais. Majorité de ces fonctions-là vont revenir dans Tweetbot 3.1 là, qui sort là, dans les prochains jours. Il n'y avait pas eu le temps de le faire. Moi, j'aimais le petit look très, très singulier que Tweetbot avait et qui est à travers toute la gamme de logiciels de Tweetbot. C'était quelque chose qui s'était créé. Il y avait des sons particuliers quand tu faisais des trucs. Je sais pas, moi, j'activais pas les sons. Moi, okay. Des sons, il y en a encore, mais c'est pas tout les mêmes. C'est rendu plus iOS 7. C'est ça. Puis, je sais pas, je suis déstabilisé par... L'interface est très différente. Oui, l'interface est vraiment différente. Oui. Elle est belle. C'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus... Mais j'ai vraiment hâte d'avoir le 3 fois sur le même tweet. Tu sais qu'on peut... Parce que dans la version 2, tu tapais 3 fois avec... Non, mais pas là-dessus. Là. Okay. Sur iOS. Ça replyait au-dessus. Qu'est-ce que ça faisait, donc, 3 fois? Tu pouvais le régler pour... Ouais, tu pouvais le changer. Comme tu pouvais faire un quote ou bien un retweet. Ou... Mais c'est ça. Puis... Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis au lancement, parce que là, ça a été beaucoup critiqué. Peut-être qu'ils essayaient des nouvelles affaires. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas grand changement à comparer de l'interface. Non, l'interface, la présentation est différente. C'est la présentation, mais les options, ils en ont enlevé, qu'ils n'ont pas rajouté dans la version finale. Il y a eu une réécriture au complet donc, tout ça. Il y a eu des changements dans les API de Twitter aussi, là, un petit peu, là, des restrictions là, de plus. Oui, ça aussi, c'est encore. Puis, ils montraient cette semaine, il y avait une photo qui est sortie sur Twitter. C'est l'équipe Twitter... en charge de l'application mobile sont 30 dans la salle, puis la personne qui a tweeté a dit « Tweetbot sont deux ». Oui, ils sont deux. Un designer graphique puis un développeur. That's it. Puis ils torchent de même. Moi, être Twitter, je sais pas, mais j'achèterais l'application. C'est fou, hein? En fait, non, être Twitter, j'y toucherais pas. Là, ben non. Parce que dès qu'ils achètent quelque chose, ils le ferment. Ils ont dû recevoir des offres. Ouais, mais t'as vu ce qu'ils ont fait avec TweetDeck, là? Ouais, c'est comme ils te l'ont scrappé, là. Vends pas ça, là. Non. Donc, voilà. Puis ils ont vraiment une base d'utilisateurs, là, vraiment, qui sont fidèles à Tweetbot. Ben oui, je m'en fous, là. Qu'ils en sortent une autre version, là. Ouais. Sauf que ce qui m'a fait suer un peu, c'est que la version était payante. Tu sais, je veux dire, on aurait pu avoir la mise à jour gratuite pour ceux qui l'ont acheté, parce qu'on n'est pas... C'est combien de tokens par application pour Twitter? C'est-tu 100 000 encore? Oui, je pense que bon, oui. Bon, si c'est 100 000, on n'est pas 100 000 utilisateurs de Tweetbot, là. Mm-hmm. Fait que donne-le à ceux qui sont avec mais toi. Ce qu'il y a, c'est que probablement avec le buzz, là, que ça a fait le lancement, il y aurait eu des téléchargements inutiles, des gens qui veulent. Si on parlait justement tantôt, on télécharge des applications juste pour les essayer là, quand c'est gratuit, mais là, c'est 3,99, 5,99 d'habitude l'application. C'est le genre de prix que tu réfléchis. Oui, ouais, non, c'est ça, mais ça aurait été une mise à jour. On ne l'aurait pas payé. Mais continue à enlève ta 2, mais laisse la 3 à 4 piastres, là. Ouais. Puis ça, c'est pas grave. Mm-hmm. Mais ceux qu'on l'a déjà, donne-la. Comme là, la version macOS, ouais, quelque chose qui... elle va être gratuite. Okay. Ça, ils l'ont dit. Okay. La version macOS, on l'a payé 20 piastres. On l'a payé 20 piastres, c'est ça. Mm-hmm. Fait que la prochaine version qui s'en vient, mm-hmm. elle va être gratuite parce que là, elle va incorporer un peu Mavericks, là, les fonctionnalités de Mavericks. Okay. Puis elle va être gratuite. Alors, moi, ça me dérange pas de payer 3 $ pour un produit de qualité comme ça que mm-hmm. j'utilise... à tous les jours. 20 heures par jour, là, tu sais. Je me suis même pas posé la question. Non, moi non plus. C'est comme la première fois que tu me dis, hey, achète-moi les, c'était quoi? Ah, c'était ça. Ça, c'est un bug. Ça, j'aimerais ça qu'Apple règle ça. Tu veux envoyer une application en cadeau à quelqu'un. Mais mm-hmm. tu l'as déjà acheté. Non. Non? Tu peux pas payer l'application avec une carte cadeau iTunes. Ah non. Ça te prend absolument une carte de crédit. Ah. J'aimerais ça qu'Apple... Parce que moi, j'ai pas de carte de crédit sur mon compte iTunes parce okay. que mes cartes cadeaux, je les achète tout le temps spécial, fait que mes applications me reviennent moins chères. Ah oui, c'est ça. C'est 20 % sur une application à 99 cents, je paye 79 cents de moins. Fait que ma carte de crédit, je la mets pas là-dessus, je veux rien savoir. Mm-hmm. Mais tu peux pas envoyer un cadeau à quelqu'un. Ah. Ça doit être une loi bizarre. On a eu longtemps des lois au Canada. On n'avait pas le droit de payer les applications quand iOS 2 est sorti, iOS 2, iOS 3. On ne pouvait pas payer les applications avec notre balance iTunes. Donc, si on avait une balance puis on avait une carte de crédit, les applications étaient chargées sur la carte de crédit obligatoirement. Ça ne prenait pas la balance. La balance était juste pour la musique. Mm. C'est ça. Bon. Ça fait pas mal le tour. Ben oui, il est 10 heures. Pas mal. En plus. Ben oui. Puis on n'a pas d'autres appels téléphoniques. Donc, ben non. On va vous laisser. On rappelle en fait l'aide qu'on a obtenue de nos différents commanditaires. Donc d'abord, ClickPom pour l'endroit et les bureaux et tout ça qui nous prête. On vous rappelle que c'est Mademoiselle... je retourne dans mes notes. C'est Suzy Proto qui a gagné le concours ClickPom Pimp Mon Mac. On a son courriel. On va rentrer avec elle, en contact avec elle le plus tôt possible. iRepair Montréal, que vous pouvez trouver au iRepairMTL.com ou passez les voir à la boutique située en plein centre-ville de Montréal au 1184 Sainte-Catherine-Ouest, suite 101. La coop UQAM située au 279 Sainte-Catherine-Est. Les gens de ReptileTech pour le support au niveau du web. L'équipe de Paul Ross, Jean-François, ouais. C'est ça? Oui, Jean-François, Benoît. Et Stéphanie, ouais, qui est là-bas. Ouais. Ils sont très gentils et très professionnels, donc on vous les recommande. Il y a 3DI Synthèse qu'on remercie aussi pour le support matériel et l'expertise en vidéo de haute qualité. Et le P pour les indicatifs audio, en fait, c'est un cadeau qu'on a reçu. Ouais. On est très contents. Et Telestream pour le logiciel Wirecast. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir sur telestream.net. Et on est en train de travailler sur différentes choses au niveau de vidéo. On s'est trouvé quelqu'un qui va nous donner un bon coup de main de ce côté-là, Jason, dénommé. Mm-hmm. Et il y a des petites choses qui s'en viennent pour le côté vidéo. Donc, on vous dit c'est informé. Il va falloir se maquiller. Genre pas teint comme à TV. Non, tout, pas encore. Okay, au pire, de toute façon, il y a quelqu'un qui va venir faire ça. Si ben oui, je vais demander à Tornadro, ça va nous arranger ça. Ah oui, ça serait bon. Oui. retour à l'horaire régulier, mardi le 19 novembre à compter de 20h. Donc, dans deux semaines, mm-hmm. on se retrouve. Sinon, messieurs, d'ici ce temps-là, où est-ce qu'on peut vous trouver? Ben moi, on peut me retrouver sur Internet, sur Twitter, @JFRoy1979. Vous savez où me retrouver. Fait que... Excellent. Toi, JM? On va me retrouver sur Twitter au JM souligné Boilly. Et puis, ben, je viens de voir avec la date, le 19 novembre, on va me retrouver en Floride. Je ne serai pas avec vous autres. Oh. Ah! C'est ça. Bon. En Floride? En Floride, oui. Bon, ben, on te skypera en direct enfin, de la Floride. Je vais préparer un petit quelque chose. Mais de toute façon, tu vas avoir Room Mobilité à 9 gigs à cette heure. Ben oui, c'est vrai. Tu vas faire une place ça dans la soirée. Excellent. Sinon, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier ou sur le compte de ClickPom @ClickPom, C-L-I-C-K-P-O-M. Vous pouvez aussi nous trouver sur rzweb.com, donc la nouvelle station de podcast francophone, québécoise pour l'instant. Il n'y a personne d'Ontario qui est là-dessus. Et nous laisser un commentaire sur la page iTunes du podcast de Mac Québec. Ça fait un certain bout de temps qu'on n'en a pas eu. On apprécierait bien, en fait, vos remarques. Si c'est bien, vous pouvez les mettre là. Ça doit être bien parce qu'on est en augmentation de téléchargement. C'est vrai. Fait que juste en regardant ça, tu vois que la personne n'est pas obligée de laisser. Mais c'est tout le temps le fun d'avoir quand même un petit commentaire dans iTunes. Puis on devrait remettre le bouton de donation sur la page de podcast incessamment. Ouais. On va mettre quelqu'un là-dessus très bientôt. Ouais. Parce que c'est un peu de codage à faire, ça. Le bouton de... Mais c'est ça. Parfait. Que, bon, ben, on s'est dit. Quelle date t'as dit? Le 19 novembre. Ouais. 19 novembre. Fait que, au 19 novembre. Salut tout le monde. Salut. Bye. MacQuébec.com